Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mardi 26 avril 2016 pour la semaine du 25 avril 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, on est en direct des studios de Six Fois Trois-Rivières. C'est sur notre chanson thème de Vanessa Parietteur, remixée par Renard Frac, qu'on commence aujourd'hui. Ça va bien, Tania? Oui, ça va super bien. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ben, écoute, mon Dieu, on vient de sortir d'une réunion quand même assez importante, je trouve. Oui, l'Assemblée générale annuelle de Cifou Zone Campus qui nous a fait commencer un petit peu en retard l'émission d'aujourd'hui, mais que voulez-vous, ça arrive. Les événements importants comme ça, on est là. On est par esprit d'équipe pour présent, fiers de l'être. Exactement, et peut-être, j'imagine qu'on va vous donner quelques détails dans quelques instants. Ah ben peut-être parce bien. Parce que ben, ça vous concerne aussi, hein, vous nous écoutez. Absolument. Sinon, aujourd'hui, on n'a pas de chroniqueur en tant que tel, donc on va recevoir personne, mais on va pouvoir se divertir nous-mêmes avec plein de chroniques maison. Entre autres, on va s'acheter des gadgets dans Ça existe, mais ça ne devrait pas là. On a une grosse pointe d'adresse à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Ta chronique s'en vient, Tania Esgonin-Tegénia, quoi de neuf aujourd'hui? Eh bien, j'ai l'habitude, bien souvent, quand il m'arrive une certaine péripétie, de vous présenter une partie de corps que je me suis blessée ou quoi que ce soit. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre partie de corps. Une chance qu'il y en a beaucoup, des parties de ton corps que tu peux blesser. Ouais, hein, une chance. Ouais. Et que je me blesse, surtout. Ben, parce que t'es une fille active. Et voilà. Mais moins depuis quelques temps et pour un bout de temps et encore. Et pour un bout de temps encore. On en parlera tantôt dans Tania is gonna entertain ya. Mais on débute en musique avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone, n'est-ce pas, Tania? Oui, c'est une pièce anglophone, comme tu le dis. Elle se retrouve à la 17e place du palmarès. C'est The Answer de The Savages. À son âge requis tout de suite. Au 89. If you don't love me, don't love anybody. If you don't love me, don't love anybody. And you're glad it's you, and you're glad it's you, and you're glad it's you, and you're glad it's you. We'll Savages et la pièce The Answer, deuxième extrait de leur album Adore Life. Le premier extrait s'appelait Adore, ça s'appelle? Oui, bon, je me souviens. Mm-hmm. C'est dans le nouveau palmarès, en fait, qui commence cette semaine. C'est 25 avril au 8 mai. Les palmarès sont toutes deux semaines pendant l'été, donc on va s'en reparler une fois de temps en temps. Mais maintenant, hein, c'est le moment. C'est pas parce que la session est presque finie qu'il faut arrêter d'apprendre des nouvelles affaires. D'habitude, non. C'est comme derrière la fin de la session, t'apprends les affaires que t'as déjà apprises, mais t'es relis, tu sais. Pas le choix, c'est comme ça les examens finaux. Mais nous, on rajoute des informations pour vous. Donc voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Chante pas. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. T'as oublié de chanter! J'avais complètement oublié qu'il fallait que je chante avec toi dans cet extrait. T'es vraiment en mode estival, pis ah, pour vrai. C'est débile, je suis en mode blessé sur les médicaments. Oui, ah, pour toi, la codéine, t'as... J'espère que ça va t'apporter des commentaires, le fun, pendant la chronique, t'sais. La codéine. Ah, ça serait drôle. La drogue, ça serait pas pire, des petites jokes. Ça serait pas pire. On commence justement avec tes faits préférés, les faits sur les animaux. On sait que t'adores les faits sur les animaux. Donc, au Marine Mammal Studies Institute, les dauphins ont été coachés pour ramener, dans le fond, des déchets qui tombaient dans les piscines en échange d'argent. Donc, tu comprends qu'au parc aquatique, les gens échappaient des déchets dans le bassin et les dauphins les ramenaient en échange de poissons. Un dauphin était tellement intelligent qu'il cachait des morceaux de papier en dessous d'une roche. Donc, il prenait un gros morceau de papier qui était tombé dans le bassin, mm-hmm. le défaisait en morceaux et en cachait un petit peu partout pour pouvoir aller enlever des petits morceaux de papier une fois de temps en temps pour avoir un poisson à chaque fois qu'il ramenait un déchet. C'est fort, là. C'est intelligent. Mais ça a l'air que c'est très, très, très intelligent, ben les oui, dauphins. Exactement. Et ça le prouve, je pense, ce fait-là. Je pense que oui. La constitution du Bhoutan, ça c'est un endroit dans le monde, le Bhoutan, B-H-U-T-A-N, spécifie que 60% du pays doit rester boisé. Donc la déforestation ne peut pas aller au-dessus de 40% de la place, il faut que 60% reste boisé. C'est le gouvernement lui-même qui dit qu'il va protéger, conserver et améliorer l'environnement et la biodiversité du pays, empêcher la pollution et la dégradation écologique, sécuriser donc le développement équilibré écologiquement et faire la promotion d'économies justifiables et de développement social et un paquet d'autres trucs comme ça, s'assurer d'un environnement santé. Donc 60% de l'île, de la place au complet, doit être maintenue comme forêt. Voilà. Y a une tueuse en série nommée Phantom of Heilbronn dans le temps, qui a été liée à 40 crimes. 6 de ces crimes étaient des meurtres. En 2009, on a découvert en fait qu'elle n'existait pas et que son ADN était simplement une contamination des coton-tiges, des cure-oreilles, des petits Q-tips qui avaient été utilisés lors des les explorations et les enquêtes dans les scènes de crime. Donc, mm-hmm. c'est la contamination. On avait créé ce personnage-là de toutes pièces, finalement, avec des restants. Le 28 septembre 2006, le conseil de ville de Reykjavik et les municipalités qui l'entourent ont accepté d'éteindre les lumières de la ville dans la capitale pour une demi-heure pendant qu'un astronome reconnu parlait des étoiles et des constellations à la radio nationale. Oh, c'est dommage cute. Ouais, quand même cool. C'est vraiment une bonne idée. Ouais, une bonne initiative. Ensuite, un homme nommé Chen Si passe chaque fin de semaine de sa vie au Nanjing Yangtze River Bridge. C'est le premier site au monde, en fait le numéro 1 en termes de suicide. OK. Et il sauve les gens, il les empêche de se tuer. Il a sauvé jusqu'à maintenant 144 personnes. Un héros sur Terre, ce Chen Si. Ah non, mais c'est quand même beaucoup de pression, tu sais. Ouais. Il fait quoi si le gars, il décide que non, il l'écoute pas, puis il saute pareil? Ouais, en même temps... Ça dit pas combien qu'il a perdu, hein? Ouais, mais il a pas signé de contrat non plus, là. Il fait ça comme bénévole. Ben, c'est ça, justement. C'est peut-être lui, à un moment donné... C'est peut-être lui le problème, c'est ça que t'es en train de dire? Non, mais tu sais... c'est peut-être à cause de lui que les gens mais vont non, là. Mais à force de... Tu sais, on le sait pas, là, ça dit pas combien qu'il y en a qui ont sauté pareil. Non, c'est vrai. Fait qu'à force d'en voir, peut-être que lui-même aussi... À un moment donné, il va se rendre à ce point-là. Est-ce qu'il va y avoir un autre gars pour le sauver? Oh, c'est la un question. Un Chelsea 2, un Chelsea Junior. Regardez la bande-annonce. On dirait un très bon film. À vous. Un homme nommé Aaron Fraser a coupé son camion, l'a ouvert lui-même après avoir entendu un son de ronronnement qui sortait de son camion. Il a trouvé un petit chat de ruelle qui s'était logé dans son camion. Donc, il s'est rendu jusqu'à la SPA locale, ou Société Protectrice des Animaux Truc, où le chat a été sauvé. La société a même installé un fonds pour réparer sa voiture, et ils ont réussi à amasser plus d'argent encore, donc ils ont pu aider d'autres animaux avec l'argent qu'ils ont fait là-dessus, sur cette levée de fonds. C'est cute. Sur l'île de Jindo, en Corée du Sud, la mer se divise en deux. Lors d'une journée spécifique au printemps ou à l'été, ça forme un chemin étroit où les gens peuvent marcher jusqu'à la prochaine île. Les gens là-bas font un festival annuel qui s'appelle le Jindo Miracle Sea Road Festival. Si vous allez voir les photos sur rassemblagerequis.com, on dirait vraiment que la mer est complètement séparée en deux parce que c'est pas mal ça qui se passe. Donc ça arrive une fois par année à la Jindo Island dans Jeollanam-do. La mer donc se sépare en deux, on ne sait pas pourquoi. Et puis ça mène à une autre île qui s'appelle Modo. Le chemin fait 2,9 km de long et jusqu'à 40 mètres de large. 40 mètres! Wow! C'est fou! Ouais. L'Australie a 10 685 plages. Tu pourrais visiter une plage par jour pendant 29 ans et jamais répéter. Pour vrai? Ouais, 10 685 plages. Mais j'imagine qu'il y en a certaines qui se rejoignent. Probablement qu'ils sont côte à côte, puis qu'il y a une ligne entre les puis deux. Puis là, que si tu le sais pas, t'es rendu sur un autre. H de bord, c'est ça. Ouais. C'est peut-être ça. C'est comme les frontières entre les pays. Hein. C'est comme l'île Saint-Quentin. C'est pareil. Pareil. des endroits où c'est commun, donc les gens vivent plus de 100 ans à cet endroit-là. C'est commun. Donc on appelle ça des zones bleues, des blue zones. Il y en a 5 sur Terre. À Sardine en Italie. Oui. Okinawa au Japon. Nicoya Peninsula au Costa Rica, Loma Linda en Californie et Icaria en Grèce. C'est des endroits où les gens, c'est commun, ils vivent plus de 100 ans. Donc, ah, c'est des zones bleues. C'est fou. Donc, les gens qui habitent dans ces zones bleues-là partagent des caractéristiques de style de vie qui contribuent à leur longévité, nous dit-on. Ah, c'est pour ça. Donc, numéro 1, l'activité physique régulière mais modérée. OK. Avoir une raison d'être. Oui. Life purpose. Réduction du stress. OK. Modérer les calories. Mm-hmm. Une diète ou un régime basé sur les plantes. Ouais. Peu d'alcool, particulièrement le vin. OK. le numéro 7, c'est participer dans les activités spirituelles et la religion. Ouais. Numéro 8, une vie sociale et une vie familiale. Donc, les numéros 8 et 9, vie sociale, vie familiale. Huh. C'est comme ça qu'on vit au-dessus de 100 ans, selon ces gens dans les zones. Maintenant qu'on sait, on va pouvoir tout mettre ça en pratique, Mathieu. Sauf un. Est-ce que toi, ça t'intéresse la diète de plantes? Ben, dans le fond, tout ce que je mange, je m'appelle Mathieu Plante. Fait que tout ce que vrai. Je mange, c'est pas mal la diète plante. T'as raison. On s'entend là-dessus. T'as raison. C'est mais pas défini. Ça veut pas dire que tu manges beaucoup de feuilles. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Pas d'argent non plus. Fait que pas de feuilles. Ah, pas ça, de feuilles. On vous en reparle tantôt. Donc, les prisons les plus dures, les plus hardcore en Russie utilisent des chiens. Des Caucasian Mountain Shepherd, donc des bergers de montagne, si on veut. Mm-hmm. Comme chiens de garde, ils peuvent peser jusqu'à 200 livres et mesurer jusqu'à 6 pieds de hauteur. Ouais, sérieusement, quand ils sont rendus à pleine grandeur, ça fait un petit peu peur. Hein? Ça dépasse le monsieur avec la cigarette dans la bouche. Là, et puis lui, c'est comme, c'est qui? Je sais pas, il a l'air louche un peu. C'est probablement un prisonnier, il est habillé en orange. Ah, peut-être. D'après moi, ouais. C'est un ou c'est lui qui les entraîne. Peut-être. Oh. Et il brûle avec sa cigarette, ils sont pas fins. Hey, cruauté envers les animaux. Je sais bien. Tu sais, un autre fait sur les animaux, tiens. La langue d'un tigre est tellement. Tellement de pics. Tu sais, sur une langue de félin, t'as tout le temps des pics pour Oui. Moi, ça m'ique. Arrête. Donc, un tigre peut lécher une de tes plaies, d'accord, jusqu'à ce qu'il se rende à ton os. Tu vois, c'est dégueulasse. Mais c'est un tigre. Un chat, ça fera pas ça. Ben, tu sais pas, ils ont le même genre de langue. Non, mais ils sont plus petits. Pis. Plus petits pics. Hey, mon père a toujours dit que la grandeur et la longueur n'avaient aucune importance. Eh ben, tu sens en onde, toi, tu sens en onde. Ton père, il dit ça. Jeudi à 19h, ton père, l'émission... Ah, c'est fini, fait qu'il peut... Très blue, ça, c'est... Il est rendu en saison estivale, fait qu'il peut plus se faire appeler en studio. C'est qu'il fait? Il fait plus l'émission l'été? Ben non, c'est fini, là. Non, mais plate. Ben d'accord, force-toi. Pas le temps. Pas le temps l'été, pas le temps. Pas le temps, il y a des courses de char. Pas le temps. Bon. C'est ça. Course de char. Bon. Non, mais avoue, là, c'est clair que ton chat, il peut faire ça pareil. Si la plaie, là, est... lui, là, en fait, quand il lèche une plaie, c'est pour t'aider. Oui, je me suis pour guérir. Mais si lui, il voit que t'es infecté jusqu'à là, il va peut-être continuer, là, peut-être. Tu sais pas. Peut-être. Essaye-le avec ton chat avec. Je vais essayer. Ouais, mais tu sais, au moins, tu sais, elle a un œil. Coupe-toi, juste pour voir. Mais mettons, un tigre, là, il va trouver quelqu'un qui a une plaie, puis qui est sans connaissance par terre, qui a pas connaissance, qui est là, le gars, tu sais. Ouais. Donc, il va se faire licher la plaie jusqu'à là. Mais ton chat, ouais. Il va pas faire. Je veux dire, tu vas t'en rendre compte s'il te liche. Oui, ah. Toi, oui, mais non, ouais. Mais tu sais, c'est une expérience. Ouais. Filmez ça avec une GoPro puis envoyez-nous ça. Okay. 360 degrés de. Faites une expérience scientifique, voir si les chats vont se rendre jusqu'à l'os. Wow. Toujours dans cet effet en passant, il y a des cargo containers qui sont transformés en très belles maisons et en espaces de bureaux. Oui. Donc on prend des cargos, on les empile un par-dessus l'autre et on fait des maisons avec ça, avec des portes patios et tout. Donc la thématique de tout ce qui est vert et écologique est très populaire dans le monde. Il y a plusieurs containers d'importation et exportation dans le monde qui sont là puis qui prennent la place puis qui servent à rien. Donc, on a commencé à faire ça en Asie. On achète des containers d'Asie. Voilà. Okay. Donc, ça fait des maisons dans des containers qui deviennent des maisons ou des bureaux des gens. Donc, ça ne dit pas à quel endroit qu'on le fait. Sur la page. Sur, je pense que ça se fait un petit peu partout dans le monde. Okay, oui, j'en ai déjà vu aux États-Unis, mais tu sais, je trouve ça beau. Mais est-ce que tu le ferais? Il y a des gens qui sont très, très minimalistes. Oui, c'est ça. Vie. Il faut vraiment que tu sois minimaliste pour réussir à le faire. L'espace au complet fait 2,4 mètres de large par 5,5 mètres de profondeur et 12 mètres de haut. Mais t'as une porte patio. Oui, mais ça dépend. Tu peux en empiler. Oui. Il y en a qui en ont empilé pour faire des étages. Oui, sauf qu'à un moment donné, ton appartement, est-ce qu'il va être sur deux étages? Ben, pas le choix. Probablement, peut-être. J'avoue qu'un appartement sur deux étages, c'est quand même le fun. C'est cool. Ouais. Donc, on voit sur les photos... un giga-garage. Un giga-garage. Ils ont fait un entrepôt de 47 000 pieds carrés rempli de containers transformés en espace de bureau. C'est vraiment le fun. Allez voir les photos sur le site. Ça, c'est cool. Ouais. Ensuite, tiens, il y a une... comment t'appelles ça? Un cours d'eau. Oui. Un petit cours d'eau à Yellowstone qui était complètement bleu, un genre de bleu brillant. Là. Mm-hmm. Un hot spring qu'on appelle ça. C'est un... Comment t'appelles ça? Une souche? Pas une souche. Voyons, un hot spring. En tout cas, bref, c'est de l'eau chaude. Ouais. Donc, il est en train de virer verte à cause des touristes qui lancent des pièces de monnaie pour que ça leur porte chance. Pour vrai? Donc, j'imagine la corrosion de la pièce, peu importe, vient transformer cette eau-là de bleu à verte. C'est un petit peu moins beau. Il y a un territoire au Costa Rica qui s'appelle Territorio de Zaguates, donc le pays où les animaux sont sauvages, si on veut, la terre sauvage. Et dans le fond, c'est une espèce d'endroit où on laisse les chiens aller. On n'a pas le droit de tirer sur les chiens, on n'a pas le droit de les tuer, les chiens. Donc, on peut aller se promener pendant plusieurs heures, plusieurs jours, peu importe, et on peut se promener avec les chiens qui sont là, dans cet endroit-là, parce qu'on n'a pas le droit de tuer les chiens. Hmm. C'est comme des chiens de ruelle, si on veut. The Island of Discussion, donc l'île de la discussion en Écosse. Historiquement, c'est là que ceux qui étaient en train de se chicaner, on les mettait sur cette île-là avec du fromage et du whisky et on leur demandait de régler leurs problèmes. Ils ne pouvaient pas quitter l'île sans qu'ils soient rendus d'accord l'un l'autre ou genre qu'on arrive à un accord mutuel, si on veut. Ah. C'est en Écosse, donc un endroit où les disputes sont résolues. Officiellement, ça s'appelle Eileen Atchumhide. L'île de la discussion, qui est petite et tranquille et seule, loin de tout. Donc, l'île, il y a plus de 1500 ans, c'est ça. Aussi, quand on avait un désaccord, c'est là qu'on envoyait les gens. Autre détail, en 1500 ans, on a seulement enregistré un meurtre sur cette île. Un meurtre. Seulement un, c'est bon, c'est une bonne moyenne. Ça devait être une méchante grosse chicane, j'aimerais savoir à quel sujet. Ah, peut-être qu'il l'avait trompé. Tu vois, on était dans le même... C'est sûr, c'est tout en ça, c'est tout en... Tout en... Il a couché avec la blonde de l'autre. Ouais. Ou sa sœur. Ou sa sœur, ou sa mère. Ou les trois sœurs. Ou les trois. Sur l'île. Oui, sur l'île de... Je couche avec tout le monde. Popeye est basé sur un vrai personnage qui s'appelle Frank Rocky Feagle. C'est une légende locale, en fait. Il y avait apparemment une force extraordinaire et il participait souvent à des batailles, des combats. Comme Popeye, il fumait une pipe et il n'y avait pas de dents. Je te le vois, c'est écrit sur l'article. On dit aussi qu'il était très gentil avec les enfants. Frank Rocky Feagle, né le 27 janvier 1868 et mort le 24 mars 1947. L'inspiration donc de Popeye le marin. Hey, hier, je jouais à un jeu. Ben oui, j'ai pas fini, j'ai 75 ans, je tiens à vous le répéter. Puis, il y a vraiment plein de faits comme ça qui sont inspirés de certaines personnes. Hein? Ouais. Est-ce que tu sais c'est quoi l'origine du mot poubelle? Non. C'est une personne. C'est Monsieur Poubelle. C'est comme Monsieur Sandwich. Il y a ça aussi. Oui. C'est fou quand même. Là. C'est un fonctionnaire. Là. Lui, il est reconnu pour... Tu sais, avoue, il y a des enfants. Là. Oui. Hey, sa famille poubelle, complète s'appelle comment Poubelle. Comment ça va? Oh, mais c'était correct à l'époque. Il n'y a personne. C'était pas... Je sais pas s'il a fait mettre correct. Un brevet sur son nom, par exemple. Hein? C'est comme si, mettons, tu inventais quelque chose qui s'appelait le Baudin. Tu sais. Ça existe. Il y a la rue Baudin. Ici même. C'est pas une chose, c'est une rue, c'est, non, c'est un nom de personne. C'est pas une autre personne, c'est le grand-père de mon père. Mais j'aurais aimé au moins si Frank Rocky Feagle avait inspiré un personnage qui s'appelait aussi Feagle. Oui. T'sais, parce oui. que là, c'est ça pas aurait une été affaire. Mais ouais. Tiens, parlant de drôles de noms qui mènent à de drôles de choses, tu sais, des fois, on va dire en anglais a buttload of quelque chose. Oui. Tu sais, un buttload, comme genre butt, ça veut dire des fesses. Oui. Mais le butt, c'était une unité médiévale de mesure pour le vin. Ah, oh, ouais. Un buttload de vin, c'était 129 gallons. OK. Hein? Donc, t'as le attends un peu, le tonne, qui est un tonneau, le grand tonneau. T'as le pipe butt, qui est un demi-tonneau. Uh-huh. T'as le puncheon tertian, qui est le tiers de tonneau. T'as le hogshead, qui est le quart de tonneau. Le tierce, qui est un sixième. le Barrel, qui est un 8e, et le Rundlet, qui est un 14e. Évidemment, à l'époque médiévale. On en apprend tous les jours. Mm-hmm. Un chercheur a installé des haut-parleurs qui jouent des sons d'eau qui coulent. Hein? Des sons qui coulent dans un petit ruisseau, si on veut. C'est un peu ça le mot que je cherchais tantôt, un ruisseau. Là. Spring, mm-hmm. En tout cas, bref. Et les castors couvraient toujours les haut-parleurs jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus entendre le son. Ça leur tombait ses nerfs. C'est l'expérience qu'ils ont fait. Donc, avec des castors en captivité, les chercheurs ont appris que le son de l'eau était gossant pour les castors, aussi ennuyant, fatigant que le son des ongles sur un tableau. Donc, les castors empilaient des bâtons et de la boîte là où ils entendaient le son pour ne plus pouvoir l'entendre. Ensuite, on explique que les castors choisissaient toujours l'endroit le plus étroit et le moins profond d'un lac pour construire leur barrage, mm-hmm. Parce que c'est là que le son passe. Donc, dans le fond, construisant leur barrage, ça venait arrêter le son. Donc, ils continuaient d'empiler des bâtons et de la boîte à cet endroit-là jusqu'à ce que le son arrête. Oh, intéressant. Je savais pas. Ouais. Il y a un stade au Brésil où la ligne du milieu est supposément exactement sur l'équateur. Donc, chaque équipe défend une hémisphère de la planète. Ah, oh, ouais. Donc, tu as la ligne de l'équateur qui est à l'horizontale, si on veut. Okay? Et le terrain, lui, est, au sens contraire, donc un peu comme une croix. Donc, le terrain est exactement à moitié en haut et la moitié en bas. Tu as un monument qui s'appelle le Marco Zero do Ecuador, qui est la marque vraiment qui définit visuellement où est la ligne de l'équateur. Et puis, ça va directement au même angle sur le terrain. J'imagine que le terrain a été construit pour ça. Et c'est fou. Ouais. Des rats connus sous le nom de Hero Rats ont été utilisés pour détecter plus de 19 558 mines. Tu sais, les mines antipersonnelles là, pour tuer les gens. Ouais, je connais pas de mines. C'est ça. Et puis, 6068... je vais recommencer ma phrase. Donc, ont été utilisés pour détecter 19 558 mines et 6068 apparaît qu'ils n'avaient pas été explosés. Donc, dans 7 pays différents depuis 1997. C'est un programme non gouvernemental, une organisation non gouvernementale belge, donc une NGO qu'on appelle, qui a développé le programme avec les rats qui détectent des mines. Ça s'appelle Apopo pour Anti-Personnel Landmines Detection Product Development. Hein? Ça a été fondé en 1997. Les rats détectent les mines avec leur sens de l'odorat très développé. Et ils ne sont pas assez lourds pour faire activer les mines. OK. C'est ça l'idée, dans le fond, c'est que les rats ne meurent pas. Ils sont pas assez lourds pour faire activer les mines. Ben ouais. Donc, ils peuvent dire aux humains, elles sont là, et puis ils viennent les chercher. Huh. C'est vraiment le fun. Beaucoup de faits intéressants sur les animaux aujourd'hui. Vraiment. Les sept merveilles du monde antique ont toutes existé en même temps pour seulement une période de 60 ans, un petit peu moins de 60 ans. Donc, le Colossus de Rhodes était le dernier des sept à avoir été complété en 280 avant chose JC. Et le premier à être détruit par un tremblement de terre en 226-225 avant JC. J'espère que j'ai bien traduit cet article-là parce que je ne les connais pas trop, les termes de ces merveilles du monde. Tiens, on revient aux rats un peu qui peuvent ressentir l'empathie à un degré où ils vont ignorer un levier qui va relâcher un chocolat, une gâterie au chocolat. Ils vont ignorer ce levier-là pour à la place tirer sur un levier qui va sauver un de ses amis qui est en train de se noyer. Ah. Ils le faisaient donc en présence d'un chocolat très tentant pour eux. Donc ça aurait été un levier qui aurait fait tomber le chocolat et qui aurait fait noyer leur ami rat. Donc c'est du comportement prosocial. Même sans récompense, même si ça savait qu'il n'allait pas avoir de récompense s'il tirait sur le levier de la noyade, voilà. Leur expérience du passé jouait un rôle là-dedans aussi. Si le rat sauveteur avait eu une expérience où il était passé proche de mourir, il avait plus de chances de répondre rapidement à l'alerte. Et s'il n'y avait personne à sauver ou que le rat en détresse était remplacé par un objet inanimé, les rats ne ressentaient plus le besoin de sauver personne, donc allaient pour le chocolat. Ah ouais? Ouais. American Airlines est allé à l'encontre des recommandations du manufacturier d'un de ses avions, de plusieurs de leurs avions. En fait, ils ont utilisé leur propre procédure pour économiser 200 heures de travail. Donc, mettons que c'est pas 200 heures littéralement pour une personne, mais si plusieurs personnes ensemble t'additionnent les heures qui passent, ça prend 200, ce qu'on appelle des man-hours, donc des heures de travailleurs, j'imagine. Donc, ils voulaient économiser du temps. Donc, pour chaque avion, ils économisaient 200 heures en tout. Okay. Donc, ce que ça a fait, c'est que le moteur du vol AA-191 s'est séparé de son aile au décollage et ça a causé la mort de 273 personnes parce qu'ils n'avaient pas suivi les recommandations de la compagnie avec quel avion. Ça, c'est American Airlines. Hey, hein? Ouais, retenez ça. Il y a une conférence annuelle sur les choses ennuyantes. Ça doit être plate. C'est ça l'Assemblée générale annuelle du groupe des médias étudiants, non? Donc, c'est une conférence annuelle sur les choses ennuyantes. Dans le passé, les gens ont donné des discours, en fait, sur les codes-barres, sur l'éternuement et sur le son des machines distributrices. Ah ouais. Ça, c'est la conférence annuelle sur les choses ennuyantes. Ça s'appelle la Boring Conference. Leur site web est sur boringconference.com. Et finalement, au début des années 1900, un groupe de scientifiques du gouvernement américain ont débuté un club privé où ils mangeaient seulement de la nourriture empoisonnée. De la nourriture, en tout cas, poison. Donc, ils documentaient leur maladie pour convaincre le Congrès de passer des lois sur la sécurité alimentaire. On les appelait la Poison Squad. C'est des gens qui se sacrifiaient. Ils mettaient du poison dans la nourriture. Puis, ils voulaient que le Congrès fasse quelque chose. Ben là... The Poison Squad. Il y a un article sur assemblagerequis.com qui vient de Esquire, si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour cet un fait. C'est agressif. Agressif, pas mal comme fin. Les liens, comme je disais, sur assemblagerequis.com. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre comme prochaine pièce, Tania? Comme prochaine pièce, ouais. On va... Sarah Neufeld? Ouais, pourquoi pas? C'est une chanson qui est quand même très bonne, qui est rendue au 11e rang du top 20 anglophone. C'est The Ridge de Sarah Neufeld. Assemblagerequis. Sur C'est fou. 89 FM. C'était Sarah Neufeld et la pièce The Ridge qui monte de 4 places en 11e position anglophone pour les palmarès de la semaine du 25 avril au 8 mai 2016. Autour de la pause, il y a Tania Esgrenatutien qui s'en vient. Mm-hmm. Et c'est ce que ça ne devrait pas là. Ouh! Ouh, ça va être bon, ça. Restez là! Aujourd'hui. Vous êtes à Cibou. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Toujours à son large en ce mardi 26 avril pour la semaine du 25 avril 2016 à l'Italia Baudin. Avec Mathieu Plante. T'étais allé écouter les publicités dans un autre local. Exactement. Part. C'est ça qui arrive. Donc, cette demi-heure contiendra, en fait, une demi-heure qui est approximative parce que je dirais qu'on n'est pas super timé dans, ouais, dans les blocs aujourd'hui, mais c'est pas super grave. On est tout seul. C'est yeah. Tout seul, ça veut dire qu'on a assez de temps pour aller sur Internet puis, tu sais, scroller de haut en bas pour trouver mais des affaires oui. à acheter. Hein. Voyons. Donc, voici, ça existe, ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe, ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet et qu'on regrette instantanément. On commence avec quelque chose de quand même cool, je te dirais. Okay. C'est un pot pour les fleurs, les plantes, mm-hmm. hein? Mais qui n'a pas besoin d'être réempoté, là, de pot en pot. C'est fatigant de devoir changer c'est de pot. C'est vraiment fatigant. Donc, c'est un pot qui s'étire lui-même tout seul. Ah. Un peu style origami, je te dirais. Donc, ça s'appelle, en fait, c'est la compagnie Growth qui a des pots en origami qui poussent avec votre plante. Hein? Donc, c'est Studio Ayascan, une firme de design basée à Londres, qui a inventé ça. C'est un concept, pour l'instant, c'est pas encore disponible pour achat. Mais ce que ça fait, c'est que tu plantes ta plante dans un petit pot. Et plus la plante prend de l'expansion, plus le pot se défait. Un peu comme le design genre polygonal. Oui, tu sais, là, bon, oui, un peu Nintendo 64, un peu genre ouais, triangulaire ou angulaire, peu importe. Donc, ça prend de l'expansion jusqu'à temps que le pot devienne à sa grandeur maximale. Où là, les triangles dessus vont être complètement à plat, alors qu'au niveau du milieu, les triangles sont comme un petit peu à mi-chemin entre pognés ensemble et. Mais il faut que tu rajoutes de la terre, là. Faut que tu rajoutes de la terre, mais au moins, t'as pas à changer de pot parce que le pot lui-même c'est change. Cool. C'est vraiment très bien fait, mais comme je disais, seulement un concept pour l'instant. Ensuite, celui-là, c'est plus qu'un concept, vous pouvez l'acheter. En ce moment, il y a une publicité qui passe à la télé pour vous faire acheter ça. Ça s'appelle le Spider Catcher. Est-ce que t'aimes les araignées dans la vie, Tania? Non. Non, moi non plus. Ça donne bien, on va pouvoir peut-être s'acheter ça, se cotiser, ou peut-être que si on l'achète à un, on va en avoir deux, tu sais, les infopubs, c'est comme ça. Ah ouais, ça peut-être. Hein? Donc, le Spider Catcher, apparemment, qu'il y a une autre compagnie qui vend la même chose, mais ça s'appelle My Critter Catcher. Donc, il y a deux produits par deux différentes compagnies, mais quand même, c'est un bâton avec des filaments, des fils de plastique au bout qui vont se fermer lorsque tu tires sur un levier pour capturer l'araignée dans le bâton. Oui, et ensuite, ça n'a même pas l'air safe, là. Je sais pas, mais après ça, tu vas dehors et tu éjectes l'araignée dehors. Donc au moins, ça tue pas l'araignée, ou tu peux sinon, j'imagine, les flusher dans la toilette, si tu veux. Donc ça s'appelle Spider Catcher, ou encore My Critter Catcher. Et j'ai envie qu'on écoute un extrait de la publicité en ce moment. Tiens, donc Spider Catcher, infopub maintenant. Non, je déteste les araignées! Tout le monde déteste les araignées! Mais maintenant, il y a une idée géniale! Voici le tenant Spider Catcher! Donc, tu vois, la personne prend. C'est un peu comme une brosse de toilette, on dirait. C'est pas une araignée, puis là, tu peux la transporter là, là, là, là, là! Et voilà, je l'adore! Déposez-la dans la toilette! Les exterminateurs coûtent cher! Pas de fumée toxique et plus besoin de frapper avec votre main sur l'araignée directement. C'est rapide, facile et incroyablement efficace. Tous les types d'insectes fonctionnent, que ce soit en hauteur. C'est facile et sécuritaire, parfait pour les abeilles aussi. Hein? Tellement précis qu'on peut même attraper une minuscule pépite patate. C'est incroyable. Baby. Wow. J'avoue qu'en le regardant, ça a l'air de fonctionner, surtout avec l'effet sonore qu'ils mettent quand tu pognes une araignée. C'est entendu, vrai? Le splouf. Attends un peu. Attends, je vais en voir. Qu'est-ce que c'est? great for catching bees, wasps, roaches, moths, and so precise you can even catch a fly right in the air. Amazing! Incroyable. C'est en infopub en ce moment. Moi, je ne l'avais pas encore vu parce que j'ai pas la télé. Et puis sur Internet, je bloque les pubs comme vous devriez tous faire. Bref, le Spider Catcher. Ensuite, ça, c'était vraiment parfait comme gadget, je trouve. C'est vraiment mon genre. Ensuite, toujours pour chez les animaux, en fait, c'est le Cat Scratchers. C'est pour que les chats puissent faire leurs griffes sur des peintures célèbres. OK. Hein? Donc, il y a le Mona Lisa Copycat Art Scratcher, un design de Eric Stemmen et Leonardo da Vinci, bien sûr. Je pense qu'il faut le créditer pour son œuvre. Ben oui. Hein? Donc, il a aussi fait, Eric Stemmen, une ligne de trucs pour les chats qui ressemblaient à des chiens. Des affaires comme ça. Donc, il a fait Girl with a Pearl Earring de Vermeer. Il a fait Still Life with Flowers de Daheim. Daheim? Ouais. Ça coûte $190 par œuvre. Donc, votre chat va devoir en profiter, pas trop faire de dégâts parce que là, ce prix-là, 190$ pour faire ses griffes. Sur une Mona Lisa. On se calme. On se calme. Ensuite, c'est le I Can Speak T-shirt qui vous permet de communiquer dans d'autres pays sans connaître le langage. Apprendre les mots de base d'une langue étrangère, ça peut être difficile. Il y a des gens qui sont pas très bons en langue, ça arrive. Donc, le I Can Speak T-shirt est là pour vous. Il y a 40 icônes universelles. Donc, on peut pointer sur son chandail et communiquer dans les endroits partout dans le monde. Parfait pour les touristes qui portent le même chandail tout le long de leur voyage ou achetez-en plusieurs, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Donc, il y a des icônes comme un vélo, un petit soleil. Un lit, une note de musique, un robinet, une lune, un appareil photo, des assiettes, etc. Il y en a plein. Et donc, c'est facile de communiquer. Comme ça, tu peux faire des combinaisons avec deux doigts. Ben oui, doigts. C'est très cool. Très bonne idée. Wi-Fi, tu sais, quelqu'un veut du Wi-Fi. Wi-Fi. Où est-ce que je peux avoir du Wi-Fi? Voilà. Pointe ton foie, ton... Ton foie. Ou ta vésicule biliaire, un des deux. Faudrait qu'il me fasse un chandail avec les parties du corps pour que je connaisse mes parties du corps. Ça serait malade. Ensuite, c'est le Super Accurate Moon Globe qui va recréer les phases lunaires. C'est Oscar l'Ermite, on dirait un film, Oscar l'Ermite et Kudu, qui sont derrière cette campagne Kickstarter pour ramasser de l'argent pour le Moon, qui est un globe terrestre, mais lunaire précis. OK. Donc, le globe, en fait, c'est pas des photographies 2D, c'est pas des illustrations. À la place, on utilise des données topographiques de la NASA, le NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Donc, combiné avec de l'ingénierie mécanique et électronique et du talent pour faire un moule pour cette lune-là qui est très précise. On dit à 1/20 de million à l'échelle. Donc, ça fait 6,8 pouces de diamètre, mais c'est une échelle de 1 sur 20 millions. En tout cas. Donc, une réplique de la lune avec tous les cratères, l'élévation, les monts et vallées en 3D, super précise. Et ça recrée les phases lunaires en utilisant des lumières LED, un anneau de lumière LED qui tourne autour du globe terrestre, mais évidemment pas c'est comme un globe lunaire. On va appeler ça un globe lunaire. T'sais. Ouais. Donc Moon a ramassé de l'argent. Et puis il y a aussi une version plus grosse qui est 1 sur 11,5 millions. Donc c'est 11,8 pouces de diamètre qui est disponible pour plus cher, $641. Alors que l'autre modèle dont j'ai parlé avant était à $427. Ça va commencer à être envoyé au mois de novembre. Vous pouvez voir une petite vidéo et des photos de cette lune sur assemblagerequis.com, mais en gros, les phases lunaires sont répétées sur les lumières LED et j'imagine que ça se reflète sur le mur aussi. J'ai pas regardé la vidéo, je vais juste m'en assurer. Donc les lumières LED, c'est ça, tourne autour de la lune, ouais. Et puis ça réfléchit un petit peu partout. C'est magnifique. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va projeter sur la lune la lumière pour te dire si c'est la pleine lune, la demi-lune. C'est cute. C'est vraiment super joli. Ensuite, on revient aux chats, tiens. Box Kitty, c'est des boîtes de carton personnalisables, modulaires pour les chats. C'est comme un château pour votre chat, si on veut. Donc, c'est à l'épreuve de l'eau et à l'épreuve des graffinures de chat. Ça s'attache via Velcro pour pouvoir construire le château des rêves de votre chat. C'est présentement en train de ramasser de l'argent sur Indiegogo. L'ensemble de base coûte $55. Donc, en gros, c'est des boîtes de carton cubiques, évidemment, avec des trous de différentes formes. Donc, tu peux avoir, 9 trous d'un côté plus petit, 4 trous d'un autre côté, l'autre juste un grand trou. Et tu peux les attacher par Velcro parce qu'il y a des Velcro sur chaque coin. Et non seulement les coins, mais les milieux de côté aussi. Ouais. Et tu peux les coller ensemble. Et il y a des prismes plus... triangulaire, plus carré, plus, tu sais, de différentes sortes, pour pouvoir faire des chapelles et des... Sérieux, c'est gros? C'est très, très gros. J'imagine que l'ensemble de base doit pas avoir toutes ces boîtes-là en même temps. Je sais pas. Ça me surprendrait. On va aller voir sur leur Indiegogo en ce moment pour Box Kitty, en passant B-O-X-K-I-T-T-Y. Ils ont ramassé, ils sont à 44% de leur objectif de $10,000. Il reste encore 19 jours. Et puis, le 190$, attends un peu, il y a des prix plus bas que ça, il y a des cartes postales, non, t-shirt, non. Pour 55$, t'as le Towerific 7, c'est assez pour faire 2 cubes de plaisir. Ah, bon, ok. Tu vois que c'est pas beaucoup, 2 cubes de plaisir. Ce qui est en vedette en ce moment, c'est le 190$ américain plus la livraison. Et là, t'as 8 cubes de plaisir. Hein? Ouais, mais tu sais, mettons, tu vis dans un 2,5 avec ton chat, achète pas ça parce que t'as déjà plus de cuisine. C'est vraiment immense. Il y a rien qui dit que tu peux pas t'en servir toi aussi. Ah ouais, tu te roules dans une boîte de carton, toi? Le gars, il s'en est servi comme table de salon. Ah, pour vrai? Ah ouais, il met ses pieds dessus, toi. Il a mis ses livres, puis le chat peut rentrer par le gros trou du côté. Et tu peux ne pas mettre le couvercle. En fait, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec les cubes oui, en tant que tel. Oui, c'est ça. Donc, le chat peut vraiment s'amuser là-dedans avec votre talent. Des heures de plaisir. Des heures. Ensuite, on va aller dehors sur un vélo. OK. Faire du vélo, c'est cool, mais tu trouves pas ça assez vert. T'aimerais ça avoir un petit peu plus, tu sais, d'environnement autour de toi quand tu fais du vélo, se passer les arbres autour de toi. Tu veux pouvoir traîner des fleurs. Ou encore, t'es une romantique, tu veux aller porter des fleurs à quelqu'un. Hein? Ouais. Donc, c'est un vase de fleurs qui va après ton vélo. Oh, comme dans les coccinelles dans le tracard. C'est sur Etsy, c'est Wearable Planter qui vend ses vases pour fleurs. Ça commence à 35$ pour fleurs et pour plantes, bien sûr. Donc, c'est supposé tenir très, très bien, s'attacher à vos poignets. Et on peut remplir ça de fleurs sauvages qu'on ramasse peut-être en vélo. Hein? Super joli. C'est un peu pastel comme couleur. Ça ressemble à un... je te dirais, ça ressemble à quasiment une balle de fusil en termes de son, sa façon d'être fait. C'est comme un genre de... Comment est-ce que je pourrais appeler ça? Le bout est pointu par en bas et le bout est plat par en haut avec le trou. Ouais. Et ça s'attache après ta poignée. Donc oui, ça ressemble un peu à une balle de fusil. C'est exactement oui, ça. Oui, vraiment. Ensuite, c'est le Prism Rainbow Highlighter Palette. Tu sais que tout ce qui est arc-en-ciel et licorne est très à la mode en ce moment. Hein? Mm-hmm. Donc le Prism est un surligneur qui va mettre... En fait, un surligneur. On appelle pas ça comme ça un highlighter pour la peau, là, pour le maquillage. Un highlighter, comment t'appelles ça? C'est pas un surligneur. C'est pour te maquiller, se faire des highlights. Sur la face. C'est pas un surligneur, là, quand même. C'est pas un surligneur, mais on appelle ça même en français un highlighter. C'est ça. C'est une poudre illuminatrice. Oh, wow, crime. Tu l'as eu, bravo. Donc, c'est sur Etsy encore. Je me suis rappelé qui écrit quoi sur mon emballage. Peut-être que tu t'en rappelles, tu viens de me sauver la peau. Donc, c'est sur Etsy, Bitter Lace Beauty, qui a tout vendu son stock d'origine, mais d'autres devraient arriver bientôt, à partir de 28$. Il y a un compte Instagram pour suivre les photos aussi. Mais c'est du maquillage en arc-en-ciel qui va sur les joues, peu importe où vous voulez mettre ça pour une soirée chic. Ouais, ça a l'air que c'est la grosse mode, là. Oui, Prism, c'est bien, bien à la mode, là. C'est là que ça se passe. Bon. C'est comme, t'as un arc-en-ciel légère, quand même, ouais, quand même, sur la joue. C'est subtil, mais ça fait en sorte que quand tu bouges, t'as l'air d'une sirène. C'est ça, ou d'une licorne. Ou d'une licorne. Moi, j'aime ça, les licornes. Ensuite, c'est encore très mode dans le prochain. C'est la chose à avoir cet été, apparemment. C'est des sandales bottes de cow-boy. J'espère, Tignan. J'espère aussi. Donc, c'est des bottes de cow-boy, tout ce qu'il y a de plus redneck. C'est vraiment redneck. En fait, c'est fabriqué par une compagnie qui s'appelle Redneck Boot Sandals. Donc, ça le dit, hein. C'est comme une paire de bottes, donc tu vas vraiment entrer ton pied par la botte et ça continue jusqu'à, tu sais, en haut de ton genou, quand même un petit peu pas mal en bas de ton genou, excuse-moi. Et le reste du pied, donc le dessus du pied, est fait comme une sandale, donc tu insères tes orteils à travers le petit bâton du milieu, mais le reste de ta botte est une botte, c'est un talon, toi. J'aime vraiment beaucoup les commentaires sur la page de cette invention-là. Tu regardes un des commentaires, c'est « Leur modèle ressemble exactement ce à quoi je m'attendais qu'elle ressemblait. » Mais avec le nom, là, tu peux pas te tromper. C'est vraiment très redneck, là, c'est genre même pas beau. Il y a une page Facebook qui s'appelle « Billy Bob Cowboy Boots ». Billy Bob! C'est tellement américain, redneck. Billy Bob. 75$ pour la... En fait, non, attends un peu. Non. C'est même pas 75$ pour acheter des Redneck Boot Sandals, Tania. C'est pire que ça. Tu leur envoies une paire de bottes. Ouais. Ils te les modifient et font des sandales avec pour 75$. Mais non. Fait qu'il faut que t'achètes en plus la paire de bottes. Et puis ça coûte cher, là, des bottes de cowboy véritables, mettons. Mais t'as vu qu'il y a toutes sortes de modèles sur la page. Donc, tu pourrais prendre des bottes super féminines, faire des sandales avec, t'aurais l'air, là. Merveilleuse. C'est horrible. Merveilleuse. C'est la pire chose que j'ai jamais vue de ma vie, je pense. Ensuite, c'est le Babolat Pop. Qu'est-ce que ça veut dire, le Babolat Pop? Hein? Non, c'est des raquettes de tennis, les Babolat Play, qui sont des raquettes de tennis connectées qui sont sur le marché depuis un bout. Donc maintenant, le Babolat Pop, c'est comme un dérivé qui vous permet de surveiller votre jeu de tennis, en ayant un bracelet sur ton poignet. Okay? Uh-huh. Donc c'est léger, c'est un sensor qui est à l'intérieur, et ça va savoir quelle sorte de coup t'as fait, ta vitesse de swing, ton spin, ton style, peu importe. Ça va les combiner ensemble pour te donner un score final qui s'appelle le PIQ score, P-I-Q. Ton temps sur le court, le nombre de tout ce que tu as fait, bref, ça synchronise avec une application Compagnon qui va comparer vos scores versus ceux de vos amis et aussi avec d'autres personnes à travers le monde. C'est disponible pour n'importe quelle sorte de raquette, n'importe quelle marque de raquette. Donc, j'imagine que le Babolat Pop, ça dit que tu l'échanges avec le bracelet que tu portes déjà, parce que les gens qui font du tennis portent déjà un bracelet, j'imagine. Je sais pas. Peut-être pour empêcher la sueur. Ah, peut-être. Bref, un Babolat Pop pour les amateurs de tennis. Ensuite, c'est le Ink Hunter. Ça, c'est quand même bien. Les tattoos, t'en as plusieurs, Tania. Mm-hmm. C'est une forme d'expression personnelle. C'est très permanent, comme tu sais. Très permanent. Ça, c'est difficile à faire disparaître. Ouais, ça se fait, mais c'est cher. Donc, Ink Hunter est une nouvelle application qui permet d'essayer différents tattoos sans avoir besoin de le faire en tant que tel et sans avoir à payer pour une procédure si jamais tu l'aimes pas à la fin. Donc, ça a une galerie de sketchs, de dessins préfabriqués. Tu peux aussi charger ton propre dessin que t'as fait toi-même ou que t'as pris à quelque part. Ça va utiliser un petit sourire carré que tu vas dessiner sur ta peau. OK. Pour calibrer, pour que l'application puisse voir le sourire, OK? Oui. Et après ça, quand tu vas tasser ta main, ça va suivre sur ton écran comme de la réalité alternative. Oh, cool! C'est vraiment hot. C'est vraiment très bien fait. Donc, ça coûte... c'est gratuit sur l'App Store en ce moment. OK. Ça vous intéresse? Et Conjure. Ben, gars, je m'en vais le télécharger immédiatement. Oui. Teste-nous ça. Ça m'intéresse, moi aussi. Pas pour un tatou, mais pour voir ce que ça fait comme réalité alternative. Ouais. Mathieu! Ah, je sais. C'est trop permanent pour moi, je m'étonne. Ouais. Hein? Ensuite, c'est un filtre d'eau qui s'appelle le Sawyer Squeeze. Que ce soit dans une situation d'urgence ou que vous ayez oublié d'amener de l'eau quand vous partez en forêt, c'est le Sawyer Squeeze Water Filter qui va s'assurer que vous ayez de l'eau propre et parfaite à boire en tout temps. Ça vient avec un filtre Point One qui utilise des membranes de fibres dans des micro-tubes en forme de U pour bloquer tout ce qui, tout ce qui fait plus que 0,1 micron. Donc, ça laisse l'eau passer tout en enlevant plus de 99,999% de toutes les bactéries et plus de 99,999% de toutes les protozoas. J'ai aucune idée ce que c'est. Malgré tout ça, ça pèse seulement 3 onces. Ça se roule en petit genre de tube et ça a un capuchon pour boire directement à partir du filtre et ça peut s'attacher à la plupart des bouteilles d'eau. Voilà. On va arrêter ici. On va revenir tantôt avec ta chronique à toi. Tania is gonna entertain you. Certainement. Il y a une deuxième partie de Ça existe qui s'en vient tantôt aussi. Mais pour l'instant, on prend une pause puis on revient à son âge rookie. Merci. Aujourd'hui. Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.1. C'est fou. C'est fou. Assemblage de qui? Aujourd'hui, assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Toujours à Assemblage Rocky pour la semaine du 25 avril 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Tania qui est en train de choisir un crayon. Attends, quoi? Elle plonge dans le coffre à crayon. Elle se met ça. OK. Tantôt, dans Ça existe, on avait un truc qu'il fallait dessiner un sourire sur la main pour pouvoir essayer des tatous par l'application Ink Hunter. Oui. Fais attention parce qu'il y en a beaucoup des permanents dans je mes charpies, sais, Tania. Je teste. Ça, c'est un crayon de plonge. Hein. Ah, ouais? Ouais. Ah, OK. Il y en a des non permanents, mais je suis pas sûr d'en avoir tant que ça. Comme ça, d'après moi, c'est pas si ceux qui sont marqués peine, d'après moi, doivent être non permanents. Fait que je vais tester. Oh boy, j'ai hâte de voir si ça va rester sur sa peau. Dessine-le comme fou, ton bonhomme sourire. Mais tu as dit qu'il faut que ça soit carré. OK. Un bonhomme sourire carré. Je sais pas, là. Elle est en train de se faire un genre de... OK, elle a fait donc deux barres verticales et un gros sourire. Exactement comme l'application dit de le faire. Génial, génial. Et on va voir d'ici la fin. Est-ce que tu vas pouvoir prendre ça en photo, on va mettre ça sur la page Facebook d'Assemblage Requis? Ouais, je vais faire ça. Génial. Alors, pendant que tu fais ça, nous, on s'en va entendre une autre pièce musicale du côté anglophone. C'est par Young Rival. On les adore. Ils sont en position numéro 14 en ce moment. Les voici avec Where's It All Going? Cross some lines a couple of times, Will. Come on. Sick of time of losing my mind, yeah. Roll on. Oh, what, huh? Did a line a couple of times, I find new. No place to go on, well on, on. Cross some lines a couple of times, well, come on. Sick and tired of losing my mind, yeah. Roll on, oh, uh-huh. Did a line a couple of times, I. Going par Young Rival pour son numéro 14 du palmarès anglophone. Toujours à Assemblage Requis, maintenant c'est le moment d'accueillir Tania Baudin. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ta ta ta ta ta. And she's gonna entertain ya. Salut Tania. Hey, salut. Wow. Hey, on a l'harmonie vocale ici, ça va même pas. On était en feu, hein. Absolument. Donc Tania, aujourd'hui, je crois que tu nous parles de quelque chose qui vient juste d'avoir lieu. T'es sur la nouvelle. Oui, je suis pas mal sur la nouvelle durant les derniers jours. En fait, la semaine dernière, durant l'émission, j'étais absente malheureusement. C'est vrai. Parce que justement, je suis allée chez la chiropraticienne. Oui. C'est comme ça qu'on appelle ça? Ah ouais. Oui, chiropraticienne. À la suite d'une blessure que je croyais avoir eue. Et puis, avec cette blessure-là, ben, je me suis dit, pourquoi pas en jaser ouais. De la fameuse clavicule? Ta clavicule. Parce qu'on l'a dit la semaine passée, tout ce qui est en hule va mal chez toi avec ta vésicule. Et ma là, ta clavicule, ouais. Qu'est-ce qui reste à te blesser? Je sais pas. Hein? C'est ça, on avait de la misère à le trouver, nous autres aussi, la semaine passée. Oui, bon. Oui. Bon. Mais tout ça pour dire que... c'est parce que est-ce que tu sais à quoi ça sert la clavicule, Mathieu? Absolument pas, non. Est-ce que tu sais c'est où la clavicule, Mathieu? À part si je te montre mon énorme bandage présentement. Je sais que c'est dans le coin de l'épaule. Oui. Mais c'est pas le truc, l'espèce d'affaire qu'il y a en avant, genre c'est comme du cou là, tu sais, là, qui est comme. C'est très près du cou, en effet. Les filles ont ça de très plus sorti. Ça c'est le trapèze. C'est le trapèze. Mais c'est rattaché au trapèze, bien évidemment. Donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que la clavicule en premier lieu et qu'est-ce qui m'est arrivé et qu'est-ce qui peut arriver très fréquemment avec la clavicule. Donc, la clavicule, en fait, le mot vient du latin et ça veut dire « petite clé » qui désigne en fait que l'os en tant que tel est quand même très petit. C'est ce que tu cherches à Fort Boyard aussi, cherche une clavicule. Oui, c'est ça. C'est quand tu vas voir le père fou. Père fou, il te donne une clavicule. C'est « donne une clavicule, donne une petite clé ». Donc, en fait, c'est un os supérieur du thorax. Donc, je vous explique, lorsque vous... mettons, là, vous touchez, là, présentement. Touchez-vous, okay? Touchez-vous, tout le monde. Suivez les animateurs radio, touchez-vous. C'est tellement mal dit. Exemple que vous mettez votre main sur votre thorax et que vous êtes près de vos épaules, eh bien, vous allez sentir un os qui passe de l'épaule au cou. Oui. Justement, tout à l'heure, tu parlais du trapèze. Celui qui sort plus, des fois, là, les filles, là, genre, mettons, avec les portes des belles robes, puis on voit leur ça sortir un peu, là. Ça, exactement. Et en fait, le trapèze, c'est vraiment le muscle qui va être sur l'épaule, tandis que la clavicule, c'est vraiment l'os qui va passer de de l'épaule à tout le reste du thorax. Ouais. Donc, c'est l'os dur qu'il y a en haut, là. Okay. Si vous y touchez près de votre cou, c'est ça. D'accord. C'est ça, cette fameuse clavicule-là. Elle est rattachée, bien évidemment, au thorax, au sternum et à l'omoplate, qui est un os qui est dans le dos, qui lui sert quand même pour plusieurs fonctions de notre corps et des mouvements. Ça sera une autre chronique, ça. Ça sera une autre chronique. Mais il faut savoir que du moment que la clavicule va être atteinte de quoi que ce soit, si jamais vous vous blessez, eh bien, automatiquement, votre omoplate va souffrir aussi parce qu'elle est rattachée à l'épaule et à l'omoplate ainsi qu'au sternum. Donc, c'est sûr que si vous cassez la clavicule, bien, ça va faire mal dans ce coin-là. Ouais. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de fracture de clavicule parce que ce n'est pas ce que j'ai eu. Non. J'ai déjà vu des gens qui se sont fracturés la clavicule dans plusieurs sports différents et c'est vraiment pas beau. Et si jamais ça vous arrive, bien, sachez que si vous ne perdez pas connaissance, vous êtes très bon. OK, bon. Parce que la plupart du temps, les gens qui vont se casser la clavicule, je ne sais pas pourquoi, vont perdre connaissance. C'est quelque chose qui arrive fréquemment. Ben, c'est peut-être parce que c'est trop près du cœur ou quoi que ce soit. Je sais que ça lève le cœur aussi. Donc, de ce côté-là, c'est pas ce que j'ai eu. C'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable du tout. Alors, comme je le disais, c'est rattaché à l'omoplate, mais aussi à l'épaule. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit, ça se peut que vous voyez un affaissement de votre clavicule. À ce moment-là, en temps normal, c'est un petit peu signe qu'il se passe quelque chose du côté soit de l'épaule ou du côté de la clavicule. C'est que, bien évidemment, c'est un os, donc c'est rattaché à l'épaule par des ligaments et par des muscles. Et si jamais il arrive quoi que ce soit à votre fameuse clavicule, bien, ces ligaments-là vont faire en sorte que soit ils vont être compressés ou ils vont être extrêmement étirés. Et c'est ce qu'on cherche à ne pas faire, en fait. C'est ce qu'on cherche à réparer, en quelque sorte. C'est justement, si là, on arrive dans les déchirures de ligaments et dans les déchirures de muscles, ça va prendre encore plus de temps à vous en remettre. C'est comme une cassure ou quoi que ce soit. Donc, ça va prendre du temps. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit, dites-vous qu'un signe indicatif qu'il arrive quelque chose, c'est que ça se peut que votre bras soit affaissé vers le bas, justement, et un petit peu vers l'avant, et que votre omoplate à l'arrière va ressortir. Donc, de ce côté-là, c'est assez signe indicatif en temps normal. C'est sûr que dans la clavicule, en temps normal, il y a des muscles, mais je ne commencerai pas à expliquer tous les muscles qu'il y a à l'intérieur de la clavicule parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et en fait, on se demande surtout à quoi est-ce que la clavicule sert. Parce que c'est sûr qu'un os comme ça, à part tenir le sternum, l'omoplate et peut-être l'épaule, ça sert à quoi? Tu sais, je veux dire, quand on bouge, est-ce que cette clavicule-là va bouger aussi? Est-ce que, tu sais, si elle n'était pas là, est-ce que ça serait problématique pour notre corps? Eh bien, sachez que oui. Et c'est... qu'elle aide au mouvement de vos bras. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit, si jamais vous faites un grand cercle, là, je le fais avec l'autre avec bras. Son bras gauche qui est affecté, elle a de la misère à écrire et gauchère en plus. Ben oui, j'ai de la misère à toute fois. Donc, si jamais vous faites un grand cercle, bien, vous allez la sentir, la clavicule, qui, elle, va être attachée à l'épaule et à l'omoplate, parce que c'est ce qui va aider justement au fonctionnement de ce fameux mouvement-là. Donc, tout ce que vous faites dans votre vie est, en quelque sorte, rattaché à la clavicule. Et sachez que la clavicule, c'est un os qui est quand même assez fragile. C'est quand même un os qui n'est pas immense. C'est pas comme, exemple, le fémur, là. C'est pas difficile à casser. Donc, ça peut être un des premiers os qui va être touché si jamais vous faites une chute. Si jamais vous faites du sport couramment et que vous avez des contacts épaule à épaule. Si jamais vous êtes du genre à faire... je sais pas, des arts martiaux, ça se peut aussi facilement que vous vous cassiez ou que vous blessiez au niveau de la clavicule parce que c'est un os qui est quand même très petit. Donc, de ce côté-là, ça rend la chose encore plus fragile. Qu'est-ce que j'ai... Parlons de toi, qu'est-ce Seigneur. Que j'ai... Non, mais une des choses que l'on pense pas nécessairement, c'est... exemple, je te dis le mot « entorse ouais. ». Tu vas penser, exemple, à une entorse de la cheville. Oui, oui, oui. Tu vas penser à une entorse du poignet. Oui. Mais une entorse peut aussi arriver ailleurs dans le corps avec n'importe quel os. Donc, si jamais on se fait une entorse... C'est rare qu'on va voir une entorse de l'épaule, par exemple. Mais ça va être une entorse claviculaire. Donc, ça se peut, ça. Ce fameux petit mouvement-là qui arrive parfois au niveau de notre cheville ou de notre poignet, qui va se passer au niveau de notre épaule et qui va se passer au niveau de la clavicule. Donc, qu'est-ce qu'une entorse? C'est une luxation acromio-claviculaire. Oh, wow! Les termes! Les termes! J'ai tellement l'air intelligente, j'aime ça. je vous explique un petit peu. Bien, comme je disais, bien souvent, ça va arriver à cause d'un choc direct avec, exemple, je sais pas si... Vous rentrez dans une porte, là, tu sais, des fois, c'est même pas voulu, vous allez vous accrocher à quelque part, puis vous allez avoir mal ou votre bras va commencer à affaisser, bien, sachez que c'est parce que ça se peut que vous veniez de faire une luxation claviculaire ou encore une luxation de l'épaule parce que c'est rattaché automatiquement à la clavicule. Donc, de ce côté-là, c'est quelque chose qui peut arriver très, très, très fréquemment. En plus, si vous êtes, je veux pas dire faible, mais si vous êtes du genre à pas faire attention où vous regardez quand vous marchez. Maladroit, mettons. Ouais, maladroit. Ouais. C'est quelque chose que vous devez faire attention. Et ça peut arriver aussi, tout simplement, dans un endroit public. Tu sais, des fois, on essaie de passer à côté de quelqu'un puis sans vraiment vouloir rentrer dans la personne. Bon, on va accrocher la personne. Simplement, de la façon dans laquelle la personne va vous rentrer dedans, ça se peut que ça arrive. Donc, c'est vraiment un os qui est très fragile de ce côté-là parce que c'est... Je dirais quasiment que c'est un os moumoune. C'est fin, ça? C'est un os feluette, un d'accord. Peu. T'sais, il n'est pas très, très fort. C'est sûr qu'au niveau de tous les jours, il va aider à nos mouvements. Il va aider que vous soyez en train d'écrire ou quoi que ce soit, que vous soyez en train de jouer au baseball, de jouer au tennis ou quoi que ce soit. C'est des muscles et un os qui va travailler. Par contre, du moment qu'il va y avoir un choc sur cet os-là, bien souvent, c'est un os qui va pas prendre beaucoup de choc ouais. Parce que justement, il est très petit, très fragile. Donc, une entorse et une luxation acromio-claviculaire, ça arrive bien souvent si jamais il y a un choc, si jamais il y a, comme je le disais, contact d'épaule à épaule, ou si jamais vous faites un accident de la rue, là, un accident en voiture, dans la rue, okay, quelqu'un fonce dedans, mettons. Oui, exemple, okay, oui. En voiture, bien souvent, ça peut arriver parce que, c'est comme je le dis, c'est un os qui lâche assez facilement. Donc, de ce côté-là, les muscles aussi qui sont aux alentours, mais c'est un petit os. Donc, les muscles vont s'étirer assez facilement, mais c'est là que ça peut endommager beaucoup. Donc, l'articulation, bien, c'est l'articulation qui est vraiment... à la partie supérieure de l'épaule. Donc, tout à l'heure, je vous disais de vous toucher. Là. Si vous touchez l'épaule, eh bien souvent, il va y avoir des muscles entre votre épaule et votre clavicule, le début de la clavicule. Si jamais vous faites une entorse claviculaire avec une luxation, bien souvent, c'est la même chose. Une entorse et luxation claviculaire, ça vient... Un vient avec le l'autre. Package deal. C'est ça. Parce qu'une luxation, ça va être la séparation de deux endroits qui sont censés être ensemble. Et l'entorse, bien, ça va être l'inflammation des muscles et des ligaments qu'il y a autour. Donc, de ce côté-là, si vous faites une luxation, bien, c'est fort possible que vous êtes en train de faire une entorse parce que vous allez voir, de toute façon, ça va enfler. Comme je le disais tout à l'heure, votre bras va tomber un petit peu plus vers l'avant. Ça veut dire que c'est signe que vos muscles et que vos ligaments sont en train de tirer. Et c'est aussi ce qui peut porter parfois à confusion, à se dire « Oh, j'ai-tu quelque chose de cassé? » c'est important de faire la différence entre une cassure de la clavicule et simplement un déplacement de la clavicule, c'est-à-dire une luxation. Et c'est rattaché à l'épaule. Donc, automatiquement, si vous bougez de façon extrême par la suite, bien là, ça peut engendrer une cassure par après parce que vous ne savez même pas que vous êtes tout simplement débarqué. Donc, si vous commencez à bouger, bien là, ça peut commencer à faire des déchirures au niveau des muscles, des ligaments et aussi des cassures au niveau de la clavicule. Mais c'est pas attaché d'un côté à l'autre. Donc, quand tu fais des mouvements à outrance avec ton bras droit en ce moment, ça va pas avoir de répercussions sur ton bras gauche, non, sur ton épaule gauche. Non, parce que présentement, si je fais des tours ici avec mon bras droit, il y a simplement mon bras droit qui va bouger. Mon c'est bras pas gauche attaché. Est... Mon... Non, hein? C'est pas attaché. C'est attaché par le sternum, mais déjà en partant, le sternum est un autre os. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des vibrations de l'autre côté, mais ce ne sont pas des vibrations qui vont exemple, empirer le côté gauche. Si jamais j'allais courir, par exemple... Jouer au soccer, ouais. Par exemple. Netflix and chill. C'est ça. Non, Netflix and chill, c'est correct. Okay, okay. Mais si jamais vous allez courir après une luxation, faites pas ça. Okay. Parce que simplement, les vibrations de vos pas sur le sol à une forte vitesse, mm-hmm. parce que vous allez courir, vous allez jogger. Simplement, ces vibrations-là vont faire en sorte peut-être que ça peut débarquer encore. Donc, c'est vraiment d'être patient au niveau de la... Comment on dit ça? De la... quand on se remet d'une blessure. Ouais, patience sur la... Ouais, ben, laissez le temps passer. Laissez le temps passer. Merci, Mathieu. La guérison, voilà. Faut vraiment laisser le temps aux muscles puis aux ligaments de se dire, on vient de recevoir un grand coup quand même. On s'est étiré au maximum de ce que l'on pouvait. Faut se remettre en place et faut désenfler surtout. Toi, c'est arrivé par hasard total? Bien, en fait, c'est... Bien souvent, ça peut découler d'une vieille blessure que vous avez déjà eue au niveau soit de l'épaule ou de la clavicule. Moi, ça découle d'une blessure que j'ai eue à la clavicule lorsque j'étais plus jeune. Je pratiquais le judo, je m'étais débarqué la clavicule. C'est exactement la même chose qui s'est passée cette fois-là. En fait, elle a débarqué et rembarqué automatiquement. Donc, de ce côté-là, présentement, le mal que j'ai, c'est vraiment juste les muscles, les ligaments et l'enflure, en fait, que ça l'a causé. Parce qu'elle n'est plus débarquée. Elle a vraiment rembarqué toute seule à la suite d'un entraînement. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... Parfois, c'est peut-être une guérison qui a mal été faite dans le passé qui va vous amener une blessure plus rapide à ce niveau-là. Ça pourrait se répéter, donc. C'est ça, oui. Ouais. Ça peut... C'est un des os qui peut recevoir le plus de blessures dans une vie. Ah, ben C'est parce que c'est fragile, justement, et parce qu'on l'utilise sans s'en rendre compte. Mm-hmm. C'est un peu comme les doigts. Oui. De ce côté-là. Donc, il y a trois stades d'entorse claviculaire et de luxation claviculaire. Le stade 1, c'est vraiment votre... si vous allez passer des examens, si jamais vous vous rendez à l'hôpital pour une blessure à ce niveau-là, on va vous faire passer des radiographies. Sur la radiographie, au stade 1, eh bien, la radiographie va être normale. Il va seulement y avoir des formations de capsules ligamentaires. Et là, je tiens à expliquer que ça se voit pas sur une radiographie, parce qu'une radiographie, ça voit simplement les os. Donc, les muscles puis tout ça sont pas vus sur ces examens-là. On doit passer d'autres examens. Mais bien souvent, le stade 1, c'est l'articulation, elle est stable. Elle est là, vous êtes quand même capable de bouger votre bras, mais ça vous fait mal. Ce qui agit en tant qu'entorse claviculaire du stade 1, et ça va être enflé, bien évidemment, parce que vous allez avoir reçu un coup. Donc, de ce côté-là, votre guérison va être beaucoup plus rapide si c'est simplement un stade 1. Quand je dis beaucoup plus rapide, c'est quand même 3 semaines à... immobiliser votre bras parce que c'est un choc qu'il a reçu. Le deuxième stade dans une entorse et une luxation claviculaire, c'est la radiographie va vraiment montrer une espèce d'espacement entre la clavicule et l'épaule que vous avez ou peu importe de quel côté vous avez fait votre luxation là, parce que ça se peut que ça soit du côté du sternum aussi. C'est beaucoup plus rare que ça soit du côté du sternum. Bien souvent, ça va être du côté de l'épaule parce que justement, c'est l'épaule qui va avoir reçu le choc ou qui va avoir fait le mouvement un petit peu plus bizarre qui va nous amener à cette blessure-là. Donc, en temps normal, la luxation et l'entorse va beaucoup plus se passer au niveau de l'épaule qu'au niveau du sternum. Au stade 2, eh bien, vous allez le voir, il va y avoir un déplacement au niveau de votre omoplate parce que, comme je le disais tout à l'heure, la clavicule, elle est rattachée à l'omoplate. Donc, ça va ressortir un petit peu dans votre dos. Il va y avoir un affaissement de votre bras et vous allez voir aussi sur les radiographies l'espèce d'espace qui n'est pas censé être là, en fait, entre votre épaule et votre clavicule. Mais elle ne sera pas énorme, cet espace-là. Elle va ressembler, exemple, elle n'irait pas plus à plus de 2 cm d'espacement. C'est comme si vraiment vous étiez sur le point de débarquer au complet, mais vous ne l'êtes pas entièrement. C'est l'espace qui va déterminer que là, vos ligaments sont comme étirés. Et à ce moment-là, comme je le dis, c'est les ligaments, ils sont étirés à leur pleine capacité, mais ils sont encore là, ils sont encore dans leur bon état. Et ça, c'est le stade 2. Quand on parle de stade 2, c'est un petit peu plus long pour la guérison. C'est 3 à 6 semaines. Mais c'est en faisant des exercices, c'est en faisant de la physiothérapie un petit peu qu'on va arriver à pouvoir ramener votre épaule et votre clavicule à pleine capacité et de pouvoir par la suite recommencer à faire votre sport ou vos activités quotidiennes que vous faites. Le stade 3, bien là, ça, c'est vraiment le stade le plus grave qu'il peut avoir. C'est souvent à la suite d'un accident de la route ou encore d'un sport contact-contact. Je dirais les joueurs de football. Rugby, ça se voit beaucoup. Le ski, les joueurs de soccer, parfois, quand même assez couramment, vont avoir ce stade-là. Il y a aussi les joueurs de hockey parce qu'ils se rendent dans les bandes un sur l'autre, là, bien souvent. Donc, ça se peut que ça arrive aux deux en même temps. Mais là, à ce moment-là, c'est vraiment, on va retrouver une espèce de coche dans votre radiographie qui va quasiment indiquer une cassure, mais ça ne sera pas une cassure, c'est vraiment juste la luxation, donc l'espace entre le reste de votre bras et la clavicule qui est encore plus prononcée, donc la clavicule va remonter énormément. Et votre bras, quant à lui, va descendre énormément aussi. À ce moment-là, votre omoplate dans le dos va être complètement ressortie. En fait, vous allez avoir vraiment beaucoup mal. Vous allez avoir l'impression de vous avoir cassé quelque chose complètement parce que là, vos muscles et vos ligaments sont non seulement tendus à leur pleine capacité, mais il y en a qui peuvent déchirer. Et c'est au stade 3, bien souvent, que l'on va voir rentrer en ligne de compte la chirurgie pour la guérison. Parce que si les ligaments sont déchirés et les muscles sont déchirés, malheureusement, il n'y a rien qui va faire en sorte qu'ils vont se ressouder. Ouais. C'est ça. C'est vraiment une chirurgie, mais c'est rare. C'est rare qu'on va se rendre jusqu'à la chirurgie parce que bien souvent, on va replacer l'épaule ou le bras assez rapidement si on se rend à l'hôpital dans quelques temps. Et bien souvent, ils n'auront pas eu le temps de déchirer complètement. Donc, ils vont avoir été étirés à leur pleine capacité. Le temps de guérison va être encore plus long que 6 semaines. Immobilisation totale et médicaments extrêmement forts. Mais c'est vraiment là où la plupart du temps, on va pouvoir voir le cas de chirurgie rentrer parce que si les ligaments ont déchiré, eh bien, automatiquement, on doit aller les ressouder et ça se fait pas naturellement, malheureusement. Donc, comme je le disais, bien, les traitements, ça consiste tout simplement à soulager la douleur par des médicaments et à garder le bras dans une écharpe, dans une attelle, de garder le bras immobilisé le plus longtemps possible. C'est sûr que souvent, les gens qui vont se déplacer ou qui vont se casser la clavicule vont vouloir voir jusqu'où ils peuvent aller pas longtemps après leur accident. C'est pas la meilleure idée, faites pas ça. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est que si vous avez été prescrit des médicaments contre la douleur, c'est que vous sentirez pas jusqu'où vous pouvez aller. Ouais. Donc, vous pouvez encore plus endommager votre cas si vous faites ça. Et toi, en plus, t'as même pas de la telle, t'es seulement avec du ruban adhésif spécial. Là. Oui, c'est ça. En fait, faut dire que c'est la deuxième semaine que j'entame comme ça. Moi, j'ai vu la première puis t'avais ça aussi. Oui. Ouais. Non, il a été refait. Okay. Il a été revu. Oui. Il est différent, il est plus gros presque. Ah, tu le caches par ton cuir. C'est ça, j'ai mis de la cuirette par là-dessus. Mais j'ai quand même passé 4 jours dans une attelle complète. Moi, c'est entre le stade 1 et le stade 2, donc c'est pas extrême comme cas, mais bien évidemment, c'est sûr que le plus que le bras est immobilisé, le mieux il va guérir, c'est sûr. Là, je bouge beaucoup de mon bras droit, mais si je m'écoutais, je bougerais des deux bras en même temps. T'sais. Parce que Tania Baudin est italienne, je pense. Exactement. Si le patient est très jeune, bien souvent, c'est une blessure qui va guérir encore plus facilement, parce que justement, les ligaments, ils sont plus plus ont tendance à mieux se régénérer à un certain âge quand on est jeune et quand on est sportif aussi. Mais bien souvent, c'est que le patient va être obligé à travailler le bras beaucoup plus rapidement. Donc, on va peut-être pousser la guérison à ce qu'elle soit plus rapide. Donc, physio plus rapidement, médicaments peut-être plus forts. Tout à l'heure, je parlais des joueurs de hockey ou des joueurs de rugby. Mais bien souvent, c'est une blessure qui va revenir assez souvent parce que le temps de guérison n'aura pas été au temps maximal qu'on est censé en temps habituel. Parce que, bon, que voulez-vous, hein, ils gagnent pas mal d'argent, ces fameux petits joueurs de hockey-là. Donc, de ce côté-là, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération. Mais en temps normal, c'est minimum 3 à 6 semaines d'immobilisation complète de votre bras. Et c'est des blessures qui peuvent engendrer aussi d'autres blessures. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des muscles, ce sont des ligaments. Donc, vous allez avoir une inflammation qui va être quand même assez très, très grande si vous ne faites pas attention de ce côté-là. Donc, la clavicule, sachez-le, est un os qui fait partie de votre vie à tous les jours et à chaque moment que vous bougez. Tu vas y penser à chaque mouvement que tu vas faire dorénavant. J'y pense sérieusement à chaque mouvement que je fais ces temps-ci parce que je la ressens. La drogue, ça t'aide un peu? Beaucoup la nuit, parce que bien souvent, les gens qui vont être atteints d'une blessure à ce niveau-là vont avoir de la difficulté à dormir. Ouais. Parce que peu importe le mouvement que tu vas faire en temps normal, si tu te retournes, ben, tu vas automatiquement tomber sur ta clavicule. Donc, de ce côté-là, les médicaments sont plus forts pour la nuit. Ouf! C'est de la codéine? Oui! Oui! Yeah! Pur! Oui! Pur! On suit tes aventures, Tania Borino. Mais j'espère qu'il y en avait qui ne connaissaient pas la clavicule et qui ne connaissaient pas nécessairement la fonction de la clavicule et que je vous ai quand même appris quelque chose. Ben moi, je pense que je peux parler en tant que public parce que je me considère comme un non-connaisseur de tout ce qui est médical. Comme d'accord. Puis ça m'a instruit. Bon. Yes. Allez à l'hôpital avant d'aller voir une chiro aussi, parce que bien souvent, les chiro peuvent pas vous passer de radio. C'est ça, il faut qu'ils tâtent, ça va vous faire mal, il faut qu'ils bougent vos bras. Donc ça aussi, ça va faire mal. Mais si votre chiro est gentille comme la mienne, elle va vous envoyer à l'hôpital. As-tu vu le chiro qui craque un bébé de genre un mois, Non. Sur Internet? Sérieux. En tout cas, bref. On pourrait embarquer dans un débat sur les kilos. Ouais, on pourrait. Bon, faut pas. Merci, Tania Bolin. Ça fait plaisir. On te retrouve pour une autre chronique la semaine prochaine. Et tant qu'à écouter des choses qui ont rapport avec ta drogue que tu prends, on s'en entend une nouvelle côté du palmarès francophone. Voici Violette Pie et Héroïne. Oh! Assemblage requis. Ça va être la prochaine coche, ça, je pense. C'est ça. Assemblage requis sur C'est fou. Poudre, je me lunettes, une litière en blacklight. Je suis un puma qui vomit les trésors de ta pharmacie. Je sais, je suis. Je sais qui je suis. Je sais, je suis. Je sais qui je suis. Je suis désabusé et j'abuse pour oublier. Violette Pie, la pièce héroïne, position numéro 20, francophone, nouvelle entrée pour la semaine du 25 avril au 8 mai. J'aurais jamais pensé que ça allait avoir autant de sens avec ta chronique. Moi d'avant. Non plus. C'est vraiment ça, tu prends de la drogue pour oublier. Ouais, ça, ouais, c'est ouais. C'est de la ouais. Codine, c'est de même. C'est ça, voilà. Maintenant, toujours à Assemblage requis, on continue avec une deuxième partie de gadgets à acheter sur Internet. Voici, ça existe, ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a créé des choses qu'on achète sur Internet qui nous coûtent tellement d'argent, mais c'est tellement le fun à recevoir ça par la poste. C'est vrai. Mmh. On va commencer par quelque chose qui va combiner tous tes vices, Tania, en ce moment. Ah ouais? T'aimes ça parce que t'as mal à l'épaule, à la clavicule, oui. On l'a dit tantôt. T'aimes ça t'asseoir dans ton fauteuil. J'adore ça. Rester vraiment comme super chill. Boire peut-être un petit peu d'alcool si tu peux à un moment donné entre deux. Ça dépend. C'est ça, mais quand, ouais. Pas ouais. Le soir, parce que le soir, ça, c'est l'héroïne. La codéine, excuse-moi. L'héroïne. La codéine. Radio, ouais, Tania. Donc, ta coupe de vin, ton whisky, t'as de l'autre côté peut-être un cigare. Ah non, je fume pas, malheureusement. Mais tu pourrais le faire avec cette chaise-là. Ça s'appelle la El Purista Smoker's Armchair. Je trouve que ça sonne gangster. Absolument. Mais c'est très, très Mad Men. C'est très. Ouais, c'est hein? Une chaise en bois, d'accord, avec du cuir par-dessus sur les accoudoirs, sur le siège en arrière. Et t'as des tiroirs dans les accoudoirs. Donc, les tiroirs s'ouvrent et tu peux mettre là, ton verre de whisky. Tu pourrais mettre peut-être un canif, quelque chose pour te gosser quelque chose. Ah, ben oui. L'autre bord, tu as ton cigare. Tu pourrais mettre n'importe quoi là-dedans. Tu pourrais mettre des snacks, peu importe, des réglisses ou whatever. Des réglisses. Est-ce que tu aimes ça, les réglisses? Ben oui, c'est bon, des réglisses. Good! Donc, la El Purista Smoker's Armchair, créée par Rodrigo Gonzalez et Alexander Sauer. Donc, le design nous rappelle le lounger de Eames, E-A-M-E-S. Apparemment, c'était très, très populaire il y a un certain temps. Donc, il y a des tiroirs sur les côtés. C'est fait à partir de bois des forêts de l'Allemagne. Et puis, c'est un fini éco-friendly, donc de cuir aniline. Qui est teint pour préserver ses caractéristiques naturelles, comme les cracks, etc. Et c'est fait à la main en Allemagne. C'est super chic, ça doit être super cher, ça. Sûrement, mais est-ce que tu serais du genre à avoir une chaise comme ça? Moi, si je pouvais me permettre une chaise comme ça, je la voudrais, c'est sûr. C'est clair, hein? OK, ben. Mais j'ai comme l'impression que c'est beaucoup porté vers le masculin. Oui. Mais j'adorerais avoir une chaise comme ça, moi aussi. Oui, tu peux avoir différentes couleurs de cuir, tu peux avoir différentes couleurs de bois aussi. Mais pour vrai, c'est super luxueux. Et ça, pour un genre de petit. Un petit lounge, genre une pièce, là, genre une man cave, mettons. Ouais, là, ouais, ouais, ça totalement. Ça peut être parfait, ça. Bref. Totalement. Ensuite, tu aimes peut-être comme moi les services qui t'envoient une boîte de produits à chaque mois. Je sais pas si t'as déjà essayé ça. Je l'ai plusieurs. Pas essayé, mais je connais. Ouais, ben le principe est le fun. Des fois, on a parlé de café, de bière, de bonbons, oui. De jouets pour chiens. Et ici, c'est un service d'abonnement pour ceux qui aiment le tricot. Ah! okay. Et le crochet. Donc, il y en a, c'était à la mode depuis quelques temps. On a ramené cette mode-là. Donc, l'idée du tricotage et l'idée des boîtes d'inscription, qui sont, elles, plus récentes, maintenant combinées ensemble, c'est livré à chaque mois à votre porte dans une enveloppe de bulles. Et puis, c'est un peu comme Noël à chaque mois, évidemment. Ben oui. Ça offre plusieurs types d'abonnements. Il y a des trucs pour faire des bas. T'as le niveau avancé intermédiaire. T'as le niveau indie. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Et le newbie pour ceux qui sont nouveaux dans le tricot et dans le crochet. Ça vient avec un petit livre de l'explication. Et puis, ça vient dans un sac qui était... J'imagine que le sac lui-même était tricoté à la main. Ça dit « Bag with Knit Crate Ribbon ». Mm. C'est pas trop. Mais bref, il y a aussi un magasin en ligne pour pouvoir acheter des accessoires de tricot, des patterns, de la laine, donc des trucs qui ont été même teints, personnalisés pour le public de Knit Crate. Donc c'est fait seulement pour vous. Ça vous intéresse, Knitcrate. Mais faut faire attention hein, quand même avec ça, ce genre d'affaires-là là, qui arrive à votre porte ouais. À chaque mois, c'est que le paiement aussi va passer à chaque mois sur votre carte de crédit. Oui, mais souvent, vous pouvez le prendre soit mois par mois ou y aller avec un 6 mois ou un an, oui, puis oui, ça arrête oui, tout seul après. Donc, bon, moi, j'irai pas sur un abonnement automatique qui se renouvelle d'année en année, ça c'est sûr. Mais bon, c'est entre 35 et 55 $ par mois. Amir. Ah, c'est pas super. Ensuite, on a parlé souvent de comment on appelle ça, ça s'accroche entre deux arbres, voyons. Hamac? Ouais, hamac. On a souvent parlé de hamac, on a parlé d'hamac pour les pieds qui vont au-dessus du bureau, d'hamac même pour la personne au complet, au-dessus oui, du bureau. Oui, au-dessus du bureau. Ici, c'est un genre de hamac qui sert aussi de cocon, si on veut. OK. C'est suspendu au plafond avec un seul point d'ancrage à la place d'être entre deux points d'ancrage. Donc, c'est le Hanging Cocoon Hammock Chair. Pour vous créer un petit sanctuaire dans votre maison ou au bureau, c'est fait d'aluminium heavy duty avec un anneau pour tenir ça au plafond. Et ça a un intérieur spacieux assez grand pour accommoder deux adultes. Donc, si on décrit un petit peu, c'est comme un grand cerceau. Oui. Donc, imaginez un cerceau assez grand pour inclure deux personnes assis ou couchées, recroquevillées un petit peu. Et t'as la toile qui passe sur les côtés, qui va s'attacher au point d'ancrage au plafond. Et t'as une... Je sais pas, la corde, c'est à quoi dans le milieu? Je sais pas, c'est pas une corde... Peut-être pour fermer la porte devant, je sais ah, pas. Ah, peut-être. Enfin, c'est bizarre d'avoir pas, une corde dans le hamac. Ouais, vraiment. C'est drôle. C'est un petit peu... C'est bizarre. Weird. Mais bon, donc c'est en belle petite toile et tu peux mettre dedans des coussins et c'est supposé tenir et te faire un petit peu balancer parce que ça reste que c'est balancé, accroché à un seul point. Donc 541,80$ pour ce Hanging Cocoon Hammock Chair. C'est sur Amazon en ce moment. C'est par la compagnie Cocoon, C-A-C-O-O-N. Ça va être livré au début du mois de mai si vous commandez maintenant. Il est en plusieurs couleurs, dont taupe et un genre de gris foncé et un genre de noir. Minimum, il y en a d'autres, je crois. Ensuite, c'est un petit projecteur pour vos petites vidéos. Ça s'appelle le Iconis CB100W. Si peut-être que bon, vous avez pris des vidéos à la plage, vous voulez les montrer à vos amis, bon, vous pourriez traîner votre iPhone, montrer ça sur votre écran de 5 ouais. pouces. Bon, OK, ça se fait. Ou tu pourrais transporter le Iconis CB100W. C'est un projecteur qui va projeter. C'est un tout petit appareil, le minuscule petit appareil. On le voit, ça entre le bout de l'index et la phalange au milieu du doigt. Donc... c'est vraiment tout minuscule entre la phalange. C'est vraiment petit. Là. C'est vraiment minuscule. Donc, et ça projette à 120 pouces de grandeur, okay. D'accord? Donc, évidemment, bon, c'est en résolution faible, du 640 par 480 VGA, pour ceux qui connaissent, mais ça mesure 1,7 pouces par côté. Donc, c'est quand même un compromis que moi, je serais très capable d'accepter. Ça entre dans la poche, oui. Ça envoie un, disons-nous, respectable 80 lumens, donc assez pour envoyer assez de lumière dans une pièce sombre. 120 pouces de projection, comme je disais, batterie de 1800 mAh, capable de jouer pendant 1h30 par charge. Deux haut-parleurs, 110 grammes de poids, donc ça peut se mettre dans vos poches sans trop de problème. Collection par Wi-Fi, un iPhone ou un Android, avec ou sans connexion Internet. C'est petit, léger, et ça fait son travail comme c'est supposé. Les critiques sur Amazon sont super bonnes, et ça coûte 250 $, qui est un prix quand même convenable pour quelque chose d'aussi petit, miniaturisé, mm-hmm. Je dirais. J'adore l'idée, donc ça s'appelle le Icodis, I-C-O-D-I-S, CB100W. Ouais. Ensuite, Tania, jusqu'à présent, tu comprends, c'est une fille. Oui. On n'a pas encore eu de preuve, mais quand même. Et t'as sûrement des problèmes féminins, des fois, une fois par mois, peut-être? Approximativement une fois par mois? Ouais, approximativement. Ça dépend des gens, là. Donc, des règles qu'on appelle. Oui. Apparemment, qu'il y a une façon d'envoyer des chocs électriques à ton ventre pour te débarrasser des troubles de crampes avec le Livia, L-I-V-I-A. Ah, oh, ouais. Ouais, donc apparemment que c'est très, très douloureux, des règles. Si vous avez une copine, vous avez certainement entendu ces cris-là une fois de temps en temps. Donc, c'est un projet sur Indiegogo qui promet de donner une solution sans aucun produit chimique à la place des pulsations électriques pour calmer la douleur. Livia dit être capable de simplement bloquer les signaux de douleur pour qu'ils ne se rendent pas à votre cerveau, finalement, en fermant les portes de la douleur, dit-il. Donc, la technologie de Livia est basée sur la théorie du contrôle, du Gate Control Theory. Donc, Livia transmet une pulsation qui garde vos nerfs occupés. Donc, les nerfs occupés veulent dire que les portes de vos nerfs sont fermées, ce qui veut dire que les signaux de la douleur ne peuvent pas passer jusqu'à votre cerveau. J'aime beaucoup le fait que, en partant, la photo qui démontre la personne en train de se le de mettre s'installer sur le ventre, ouais. est un gars. Est-ce que comment peux-tu savoir ça? C'est les hanches, hein? Il y a du poil sur les bras. Là, les filles ont des poils sur les bras fréquemment. Il y a du poil sur les bras. Ça arrive chez les filles. Et regarde comment les doigts sont faits. C'est clairement des doigts d'homme. Mais Tania, hein, il y a des gens de toutes les sortes. Ça se peut des mains masculines. Il y a un épisode de Seinfeld là-dessus. C'est ce que ça paraît que le gars s'entraîne. C'est peut-être une fille androgyne. Ah, peut-être. En tout cas. Je suis désolée. Juge de tout commentaire. Non, mais il y a aussi les hanches d'un homme. Là. J'avoue que la première fois que j'ai vu la photo, je me suis aussi dit c'est clairement un homme. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas réussi à trouver une fille pour la démonstration. Peut-être. Ça se peut, mais jusqu'à preuve du contraire, un peu comme toi, parce qu'on n'a pas de preuve, moi, je pensais que c'est une fille un petit peu androgyne. OK, on va dire ça comme ça. Puis il y a aussi le fait que c'est pas toutes les filles qui ont des douleurs hein, quand non, ça arrive. Non. C'est vrai. Okay, mais ça doit être quand même très cool, ça. Ouais, ben l'idée, en tout cas, bon, l'article dit que c'est pas une idée super scientifique. Est-ce que ça a du sens? On sait pas. On n'est pas. Okay. On revient pas en neurologie ou rien. Ouais. Mais quand même, Livia fonctionne en collant deux électrodes sur votre bedon et en l'activant. Vous le portez aussi longtemps que nécessaire et quand la douleur s'en va, vous pouvez arrêter de le porter. On n'est pas supposé d'avoir de tolérance à ça. Il n'est pas supposé avoir d'effets secondaires. Ça a l'air, comme dit l'article, un petit peu trop beau pour être vrai. 85$, c'est pas tellement cher pour l'essayer. Américain, bien sûr. On dit que ça fonctionne instantanément, c'est sans médicaments, sans effets secondaires, soulage la douleur aussi longtemps que tu gardes l'appareil, ça créera pas de tolérance et tu l'achètes une fois et tu l'utilises pendant plusieurs années, disent-ils. Voilà, c'est sur Indiegogo, ça s'appelle Livia, L-I-V-I-A, voilà. Ensuite, c'est le Air Jams. Tu aimes peut-être le Air Guitar, il y a des compétitions de Air Guitar des fois. Donc ici, c'est un Air Guitar qu'on peut porter sur soi-même. C'est une nouvelle génération de bracelets qu'on porte sur le poignet qui fait de vous une rock star. C'est pas une question de score, c'est pas une question de compétition, c'est juste être capable d'avoir du plaisir avec votre musique, dit-on. Peu importe ce que vous faites avec. Donc, Air Guitar qui est supposé être très amusant. On dit que qu'on met le bracelet sur son poignet, on commence à jouer et Air Jams va comprendre vos mouvements dans les airs et il va faire jouer des sons basés sur votre mouvement. Ça utilise la technologie Bluetooth. Vos mouvements sont traduits en musique instantanément via votre téléphone cellulaire et l'application Air Jams. Bon, ça a l'air assez enfantin comme concept. Mais ça pourrait avoir un petit peu de plaisir dans votre vie, peut-être. Oui. On reste dans la musique avec des écouteurs qui vont bloquer le bruit ambiant. Donc, pour pouvoir faire une conversation téléphonique sans avoir de bruit, même dans les environnements les plus bruyants, en utilisant ces bouchons pour les oreilles, Noise Blocking Earbuds. Ça fonctionne par Bluetooth, bien sûr. Il y a un microphone dans l'oreillette que tu mets dans ton oreille. T'as un microphone, t'as le contrôle vocal et t'as le fait que c'est sans fil. Donc, tu mets ça dans ton oreille et ça va comprendre ce que tu dis. Dans le fond, il y a un micro, donc ça va entendre ce que tu dis. Puis, il y a un micro aussi, j'imagine, pour venir annuler le son ambiant. Sûrement par annulation d'ondes de je sais pas trop quoi. Donc, 89$ pour ce gadget-là sur Kickstarter en ce moment. On va aller voir s'ils sont rendus. Ils sont rendus à 750 000 plus dollars par presque 6000 personnes. Donc, Ripple Buds, d'après moi, ça va s'en venir sur le marché bientôt. On peut le précommander en ce moment en passant par assemblagerequis.com. C'est pour les audiophiles, nous dit-on, avec un microphone qui exclut le bruit ambiant pour que votre voix soit toujours cristalline. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, Ripple Buds. Ensuite, les années 90 sont de retour à la mode, on le sait. On dirait qu'on a un petit peu sauté comme les années 80 dans les modes. Il me semble qu'on a comme fait 70-90. Ouais, je pense qu'on a fait les années 80 un peu dans les cheveux puis tout ça. Là. Ben, il n'y a jamais eu de crépage, on dirait. De ça. Tu sais, les waves, les petits... Ouais, ça revient là. Yark. Ouais. Donc, améliorer votre journée avec ce kit des années 90, c'est le 90s Nostalgia Kit. Une fois que vous ouvrez cette boîte qui ressemble étrangement à un coffre à crayons rose, sparkly comme dans le temps, vous allez avoir un assortiment de choses comme des Beanie Babies, des bracelets, des pods. OK. Hein? Donc, c'est sur la boutique Etsy de Sweet and Lovely. C'est fait à la main. C'est envoyé... d'habitude, sur Etsy, quand je parle de Etsy, c'est tout le temps livraison aux États-Unis seulement, tu te rappelles? Oui. Dans ce cas-ci, c'est fabriqué aux États-Unis, mais envoyable partout dans le monde. Ouh, nice. Vraiment cool. Plein de trucs des années 90 dans une boîte coffre à crayon. Évidemment, la boîte coffre à crayon reste avec. Et ça fait un petit peu... ils disent sur la page Etsy que ça ressemble un petit peu à un genre de Happy Meal, un genre de joyeux festin. C'est vrai. Pour vous. Voilà. Et j'aime beaucoup le fait que le gars qui soit sur la boîte de crayon, c'est un acteur canadien. Le gars sur la boîte de crayon? C'est le petit gars qui jouait dans... Home Improvement. Qui jouait dans Lassie. Lassie, je pense pas, mais c'est le gars de Home Improvement, c'est Jonathan Taylor Thomas. Oui, mais il me semble qu'il est canadien, et lui. Et t'as Mel B aussi, les Spice Girls en arrière. Oui. As-tu vu ça? Oui. Avec un troll. Te souviens-tu des trolls aux cheveux? Tu sais qu'il y en avait des bleus, des jaunes, des verts. Ça, c'est hot. Ça, c'est il y a un troll. C'est quoi leur petit ours dans le coin? Ah, c'est des Beanie Baby de taille. Ah, ben oui, voilà. Ouais. Et la petite fleur, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est une petite fleur. Ouais, c'est ça. Ensuite, regarde ça, c'est une lampe sans fil en forme d'œuf, Tania. Oh my God! Voyons donc, c'est révolutionnaire! C'est pas l'allure, comment j'en veux! Donc, amenez de la lumière ambiante chez vous en utilisant cette lumière sans fil en forme d'œuf qui se charge sur un petit tapis sans fil. Ça va durer jusqu'à 7 heures d'utilisation continue et c'est assez compact pour l'amener n'importe où. Transporter ton œuf un peu comme dans ta poche de chemise quand tu fais... Oups, là, vraiment, tu t'accroches dessus puis ton œuf pète, mais au moins, c'est pas un vrai œuf. Bref, c'est sur Kickstarter. Ils se sont rendus à 39 189 $ canadiens. Donc oui, ça s'est payé c'est sur Kickstarter. Mais ça, je suis sûr que c'est le genre de choses que l'on pourrait retrouver au IKEA. Ouais, ah, tu peux le mettre dans l'eau. Oh, j'avais pas vu que tu pouvais le mettre dans l'eau. Je regarde la vidéo présentement. Ben ouais, il y a comme un couple qui en a mis partout autour du bain. Puis là, elle l'a mis dans l'eau. Puis elle est comme « Waouh! » C'est l'étape que je fais jamais regarder la vidéo. Ça serait peut-être pertinent. Mais c'est en plus super coloré. C'est comme un genre de gros œuf. On dirait pas un œuf d'autruche, mais c'est plus gros qu'un œuf normal. Oui. Et bon, ils l'ont mis autour d'un spa. C'est vraiment super magnifique. J'adore. Ça s'appelle le Eggie. E-G-G-I-E. Avec ajustement de la luminosité automatique. C'est bien cute. C'est pas mal le fun. Eggie. Ensuite. Si tu veux prendre des photos subtilement de quelqu'un avec ton téléphone cellulaire, c'est difficile. On sait. Oui, c'est vraiment difficile. Les filles prennent des photos de gars à la cafétéria, mettent ça sur Spotify, il n'y a personne qui dit rien. Mais un gars fait ça avec une fille, puis soudainement, c'est un stalker. Hein? On sait ça. Ouais, deux poids, deux mesures. C'est, hein? vrai, c'est vrai. Si j'avais, je veux dire, si la personne, si le gars, mettons quelqu'un, appelons le Mathieu, avait eu un case de iPhone avec ça, ça aurait peut-être sauvé sa réputation. Hein? Ah, peut-être. Donc, ce que c'est un petit... dans le fond, c'est comme une redirection de ta caméra, dans le fond. OK. Donc, ton case, en tant que tel, a un petit rabat sur le côté de la caméra et ça va faire comme une petite pente, un peu comme un effet miroir. Donc, ton objectif va être reflété dans cette affaire-là et tu vas pouvoir garder ton appareil à plat. Donc, ton appareil va être à plat comme si tu étais en train de texter, mais l'objectif, avec l'effet de réflexion, va pointer par en avant de ton téléphone. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Super creepy. C'est vraiment très creepy. Là, ça dépasse le niveau que même moi, je serais pas capable Mais de faire ça. Si on avait eu 12 ans, on aurait dit qu'on était des super agents secrets. Exactement. Ça aurait pas été creepy. Mais on n'aurait pas pu se le permettre parce que ça coûte 50$. Ça aussi. On l'aurait demandé pour Noël. Peut-être. Ah, les parents n'auraient jamais accepté ça. Non, c'est clair. Mais non, t'avais-tu ça un téléphone, toi, 12 ans? Ben, il n'y en avait pas de téléphone intelligent à mon âge, hein. Tania, je suis vieux, moi. Oui, hein? C'est vrai. C'est ça. Je suis désolée, Mathieu. Ouais, ben, rappelle-moi-le pas. Donc, c'est une étude d'iPhone avec une caméra qui est escamotable, dans le fond. Petit miroir qui va par-dessus votre objectif. 50$ pour le tout. Et ça s'appelle le Cover Photo iPhone 6 Lens Case. Donc, Cover COVR. Et encore une fois, ça coûte 50$. Ensuite, c'est le Ravine Heated Sleeping Bag Liner. Tu sais, c'est un sleeping bag. En fait, anecdote, je me rappelle d'Evelyne Dulac qui a fait des chroniques à l'émission ici des collègues plein air, qui elle-même sur Internet a demandé à ce qui passait est-ce que quelqu'un a un sac de couchage qui va plus au froid parce qu'elle n'avait pas le bon sac de couchage. Elle aurait pu aller s'acheter ça à la place. C'est un liner, ça va à l'intérieur de ton sac de couchage que tu as déjà et ça va garder plus au chaud. Donc, c'est des ondes de chaleur, des éléments à l'intérieur pour votre corps et vos pieds qui peuvent être individuellement contrôlés. Il y a trois paramètres, élevé, moyen et faible, pour augmenter donc la teneur, la chaleur dans votre sac de couchage d'environ 20 degrés Fahrenheit. Ça fonctionne avec une ou deux piles qui sont près de vos pieds et qui envoient de la chaleur jusqu'à 26 heures de temps. avec les éléments chauffants du corps et des pieds qui dans le fond, j'imagine que pour avoir les deux en même temps, il va falloir les deux plus grosses batteries. J'imagine, ouais. C'est ça. Donc, tu fermes ton sac de couchage et puis ça empêche la chaleur de sortir. T'as un zipper à deux côtés pour facilement l'ouvrir d'un côté ou de l'autre. Et t'as un modèle alternatif qui est portable aussi, portatif sur sa personne. Pour réchauffer vos bras, vos jambes et d'autres membres comme ça. Sur Kickstarter, on demande $180 américains en ce moment. Il leur reste encore 47 jours. Ils sont à 143 000 sur 20 000, donc ça va super bien. Pour le Ravine, R-A-V-E-A-N, ça dit donc Sleep Naked Camping. Donc tu peux dormir tout nu dans ton sac de couchage. Wow, c'est le fun. Si tu veux, yeah. Yeah. On a parlé tantôt de ta poche de chemise où tu mettais ton œuf et que sans faire exprès, tu ferais écrapoutir ton œuf dans ta oui. chemise. Ça pourrait arriver. Ici, tu pourrais même traîner une douzaine d'œufs dans ton chandail si tu voulais. Parce probablement. Parce que tu as un chandail avec une gigantesque poche en avant. C'est très géant comme poche. Tu as sûrement vu aussi la compagnie Poche et Fils qui est bien à la mode oui. en ce moment. Où tout le monde like cette page-là. C'est des t-shirts avec des poches spéciales avec du design dessus. C'est vrai. L'idée est vraiment cool. Donc ici, à la place, c'est une grande poche qui fait tout le devant de ton chandail au grand complet. Donc, d'une tétine à l'autre, jusqu'à ton nombril environ. C'est pas mal ça, la dimension de ta poche. Ouais, c'est vraiment ça. On va se le dire. Et à l'intérieur, tu peux mettre... Eux ont décidé de mettre de la glace ainsi que 4 bouteilles de bière. Je sais pas, peut-être. On est apparemment assez résistant. Et il y a des designs excentriques. Donc, par exemple, le gars a un t-shirt blanc avec des flamants roses sur sa poche en avant. Je sais pas si c'est... parce que ça a l'air d'être juste une poche qui a été rajoutée. D'après moi, il n'y a rien d'isolé là-dedans. Donc, je pense que la glace, tu vas vraiment la sentir sur ton bedon pas mal. Là. Sûrement, ouais. Mais ça coûte 26$, $25.95. C'est les Bucketties. B-U-C-K-E-T-T-E-E-S. Donc, c'est Tuck It in the Bucket est leur slogan. Il y a du bacon comme poche. Mettons un t-shirt avec une poche remplie de bacon. T'as des fleurs super quétaines. Des illusions d'optique, des moustaches. Des trucs comme ça. Et tu peux en commander... comme bon te semble, sur bucketteas.com. Voilà. Est-ce qu'on en fait quelques derniers? Tiens, oui, pourquoi pas. C'est le McWinnie TG5 Wedding Ring. C'est une bague de mariage, une bague de fiançailles. Comment t'appelles ça? Un jonc, des fois? Un jonc. Un jonc qui te va à merveille, qui fait la bonne grandeur de ton doigt. On s'entend que c'est très important. Il faut avoir la bonne grandeur, sinon ça peut tomber sans que tu t'en rendes compte. Tu peux avoir de la misère à l'enlever le soir ou quand t'es en train de cruiser d'autres filles au bar. C'est ouais. comme dans tous les films, puis les gars ils mettent dans la petite poche. Là. Mm-hmm. Bref, évidemment, on met ça au-delà de sa jointure. C'est jaune, donc après la jointure, juste entre la jointure et ta phalange. Oui. Hein? Mais des fois, c'est difficile d'en trouver une qui va passer par-dessus la phalange sans avoir un certain lubrifiant. C'est ça, les phalanges très larges, tu as de la misère à passer, même si elles seraient de la bonne grandeur, même si ton jonc serait de la bonne grandeur, tu as de la misère à passer par-dessus ta phalange au milieu du doigt. Est-ce que je m'explique correctement? Oui, oui. Je pense que oui. Donc, ici, la McWinnie's Titanium TG5 Wedding Ring, c'est leur seul modèle avec ce qu'on appelle Comfort Fit. Donc, c'est équipé d'une mâchoire, d'une penture, si on veut, un peu comme les montres. Tu sais, les montres, t'as des fois, tu peux l'ouvrir, tu as comme un morceau de métal que tu peux ouvrir, tu l'enfiles dans ton poignet, puis tu refermes la penture, mm-hmm. ça vient s'accrocher. C'est le même principe, mais pour le jonc. Ah, OK. Donc, tu ouvres le petit clapet, si on veut. Tu mets ta bague qui passe par-dessus ta phalange facilement et tu refermes le clapet, ça vient se fermer là et ça fait très très luxueux, ça fait acier inoxydable, on dirait quasiment du Transformers, il y a comme des petites lignes, c'est vraiment très très cool, très techno genre, ça ouais. fait vraiment, je trouve que ça fait masculin, j'aime ça. C'est vrai, c'est cool. Donc Active Wedding Rings avec la penture dans le milieu pour l'enlever et le mettre facilement le jonc. Je trouve que ça ressemble à Iron Man. Bon, tu vois, j'ai dit Terminator, Transformers. C'est vrai que ça fait plus Iron Man que Transformers. C'est vrai, hein? Tu verrais Robert Downey Jr. porter ça sur chacun de ses doigts. Moi, ça ne m'arrange pas de voir Robert Downey Jr. n'importe quoi sur lui. Avec ou sans. Avec ou sans. Peu importe, dans un sac de couchage chauffant. Voilà, c'est dit. Sur high. Ah ouais, bon, petit copain. Combien paierais-tu pour voir Robert Downey Jr. avec ça? Oh mon Dieu! Je sais pas. 1225$! T'es sérieux? Chez McWinnie Designs. C'est dommage cher. Il y a une peinture, Tania. Ouais, ah oui, il y a une peinture, c'est vrai. Voilà, c'est tout pour ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. On se fera d'autres gadgets la semaine prochaine et les notes sont sur assemblagerequis.com. Maintenant, on s'en va entendre une autre pièce du palmarès. Dans les nouvelles entrées, on en a pas mal. On va avoir le temps la semaine prochaine d'en entendre d'autres. Mais pour l'instant, celle que je vous ai choisie, c'est celle de Bermude du côté francophone en 19e place. On écoute Cinémascope tout de suite à Assemblage Requis sur C'est fou. 89.1 FM. Bermude, ici Mascope, nouvelle entrée en 19e place. Au retour, c'est enfin une grosse pointe en dresse. Yeah! Un sondage requis. Pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. C'est le 89.9. C'est fou. C'est fou. Toujours à Assemblage Rocky pour la semaine du 25 avril 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Et c'est sur les paroles de Valès Perrietter, chantées par Tania et moi sur une musique de Ludwig Göransson qu'on débute cette heure-ci. À la deuxième heure, la précédente était par les résidus plasmiques. Pour ceux qui suivent à la maison, on n'a pas écouté beaucoup de musique aujourd'hui tant que ça. Non, c'est vrai. On devrait s'en taper une autre. T'as raison. Avant de commencer à manger pour le reste de l'émission, ça va être une grosse pointe en dresse, la chronique Malbouffe, la chronique sur les produits du tiroir dans quelques instants. Mais avant ça, voici une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est en 20e place. La formation s'appelle Person. Voici Electric Landlady. À son âge qui sur C'est fou.

l'apparence du côté où il n'y a pas les, les marques dedans, on dirait vraiment que tu vas manger genre du goudron. Ou tu sais, vraiment? Tu sais, quand quelqu'un refait ton toit, là, puis qu'il y a comme de, l'espèce de truc à, pour faire tenir les plaques de je sais pas quoi dessus, là, c'est comme une espèce de gros goudron noir. Ça ressemble à ça. On dirait qu'on va manger vraiment un morceau de plastique ou une, partie, une pièce de char. J'ai comme l'impression que ça va être caoutchouteux. Vrai, ça a l'air, hein? En tout cas, on va voir, là. Mais ça, c'est nos impressions. Ça, c'est le côté visuel. Côté odeur, fragrance, ça sent ce qu'une réglisse noire sent d'habitude. Ça sent l'anis. Ça sent l'anis. Je connais beaucoup de gens qui aiment beaucoup l'anis. Les petits bonbons à l'anis, c'est bon aussi. Ouais, ouais, ouais. Pas trop souvent dans mon cas, mais bon. Est-ce qu'on y va? On croque? OK. Croquons. Ah, tu vois, c'est moins caoutchouteux que je pensais. Ouais, c'est plus... c'est très... ben, c'est tendre. C'est... c'est... ouais, comment dire? C'est quasiment granuleux. Oui, granuleux. Ah, mais t'as-tu vu l'intérieur? Oh, wow! L'intérieur est brun. L'intérieur est brun, c'est de la mélasse. Ça goûte vraiment la mélasse. Oui. Ça goûte pas la réglisse noire comme on la connaît. C'est vraiment plus mélassé. C'est plus... c'est beaucoup plus sucré, je trouve. Ouais. C'est très sucré. Mais j'aime ça. C'est moins bonbon. C'est beaucoup moins bonbon. Mais je suis content parce que, comme ils disent, bon, c'est marqué... le vrai goût de la réglisse, pour justement que les gens s'attendent pas à ce que ce soit comme la réglisse qu'on mange en commerce d'habitude. Et je trouve que la vraie réglisse, contrairement au vrai gingembre, où je préfère le gingembre fake du Canada Dry, ou du ginger ale, j'aime pas vraiment le vrai gingembre. Mais ça, c'est le contraire, je préfère le vrai goût versus le bonbon. Et les réglisses noires, ça goûtait trop l'anis, je trouvais. Ouais. J'apprécie. La deuxième bouchée est moins sucrée, je trouve. C'est même... Wow. On s'habitue au goût de la mélasse qui est quand même assez très présent. Mais la première, quand tu croques dedans, on dirait que tu croques vraiment dans un morceau de plastique, je dirais. Il n'y a pas de goût jusqu'à temps que l'intérieur de la réglisse vienne toucher à ta langue. Mais c'est comme la texture, en fait. Ouais. Tu sais, parce qu'on dirait que la réglisse noire, on dirait que l'anis, la fameuse gelée noire, elle recouvre un mouton de mélasse. Oui. Puis c'est vraiment très... Le dessus goûte rien. Ouais, le dessus goûte absolument rien. L'enrobage noir goûte pas grand-chose. Non. Mais j'adore ça, je trouve ça très bon. Panda, all natural, on fait l'ingrédient naturel, réglisse tendre, 100 calories par barre. J'aime beaucoup. C'est surprenant, je m'attendais à ne pas aimer ça. Et je dois avouer qu'en temps habituel, j'aime pas la réglisse noire. Bon. Et c'est quand même bon. Ouais, pouce en l'air pour moi. Pouce en l'air. Good job! Voilà, donc maintenant on passe aux nouvelles de fast-food. Commençons avec la pizza avec... en fait, c'est une pizza avec, sur le dessus de la pizza, d'autres pizzas en bagel bites. Donc c'est comme un genre de pizza Inception, si on veut. C'est Karl Marcoux qui s'appelle The Vulgar Chef sur... en fait, TheVulgarChef.com, c'est son site web, qui nous présente une pizza garnie de pizza et ensuite avec par-dessus des pizzas bagel bites. Oh my God! Donc pizza par-dessus pizza par-dessus pizza. Pour la recette, allez voir sur AssemblageRequis.com pour voir les photos aussi. Donc, tu sais, les petits bagel bites, là, les petites pizzas qu'on met au four grille-pain, par-dessus une pizza. Et dans la pizza, il y a une autre couche de pizza. Et pour le cholestérol, allez voir votre médecin. Absolument. ensuite, c'est des piñatas qui sont remplis de bouteilles qu'on retrouve dans les aéroports. C'est des petites bouteilles d'alcool toutes minuscules. Oui. Et des bonbons. Donc, ça s'appelle les nipiatas. Donc, des piñatas pré-remplis avec entre 10 et 30 bouteilles d'aéroport. Ou même à la SAQ, ils ont des petits échantillons des fois de bouteilles d'alcool. Oui, c'est vrai. Des bonbons et des messages un petit peu coquins, si on veut. Les prix sont entre 80 et 120 $ dépendant de la grandeur de la piñata et de son style et du nombre de bouteilles qui sont incluses. Oui, parce que selon le nombre, là, tu dois te ramasser quand même avec un bon nombre d'alcool. Oui, et ça fait un méchant bon party, ça. Tu peux aussi acheter une piñata n'importe où et la remplir toi-même de bouteilles, mais ça va coûter sûrement plus cher. J'imagine que le total vaut pas mal plus la peine si elle est pré-remplie, sauf que c'est de faire livrer ça chez vous que ça va être peut-être plus difficile. Je sais pas comment tu fais livrer ça. Peut-être même pas passer par les... si c'est aux États-Unis, tu pourrais pas commander ça puis passer ça par les douanes, d'après moi. Mais bon. Nipiatas. Ensuite, ça s'appelle... en fait, ça s'appelle... c'est ça? Oui. Non, attends. On va recommencer ça. C'est une boîte de pizza, en gros, là, par les gens derrière l'application Push for Pizza et le studio de Nicolas Gregory. C'est une boîte de pizza qui peut être pliée pour former une pipe avec une section perforée de la boîte et ça va te permettre de fumer de la drogue avec ça. Oui, donc c'est quand même assez intelligent. Okay. Pour les stoners, bien sûr. Les instructions sont sur la boîte, donc on voit la boîte et ça s'appelle, bon, le slogan c'est marqué « The munchies are no match ». Donc les munchies ne seront rien contre cette boîte. Les munchies, c'est quand t'as faim après avoir fumé de la drogue. Donc j'imagine que il doit falloir que tu en commandes deux, parce qu'en tant que tel, pour vider la boîte, il faut que tu aies mangé la pizza. Ouais, mais c'est les munchies, c'était après avoir fumé. Donc, je sais pas trop. Mais en même temps, la petite portion pour pour fumer, c'est une partie de la boîte. Donc, dans le coin de la boîte, ouais, tu peux perforer le petit coin et faire ta pipe avec ça. Donc, j'imagine que, bon, la pizza, t'en manges assez rapidement après avoir pris ta drogue. Donc, c'est pas grave qu'il y ait un trou dans ta boîte. Probablement. J'imagine que ça se tient comme ça. Donc, allez voir la photo pour ça. C'est par Nicholas Gregory Studio et l'application Push for Pizza. C'est qui la pizzeria qui s'affiche de même, genre on vous fournit en... Ouais, c'est ça. Mais eux, l'application Push for Pizza, on va aller se renseigner un petit peu sur le fonctionnement. Donc tu vas construire ta pizza avec par exemple mon saucisse, pepperoni, oignon, la grandeur, etc. Tu vas appuyer sur le bouton magique et la pizza va se présenter à votre porte, toute déjà payée, même le type. Donc ça va prendre, j'imagine, la pizzeria de votre choix ou sinon la pizzeria la plus proche. Je pense en fait que c'est la pizzeria de ton choix. Et tu laisses, il y a des petits boutons pour mettre 2, 4, 6 $ de type. Et t'appuies sur le bouton et tout se commande tout seul. Ta carte de crédit est déjà dans le programme. T'as rien à faire, t'as juste à attendre que la pizza arrive. Donc c'est et ils offrent aussi de devenir partenaire avec eux si t'es présentement propriétaire d'une pizzeria. Donc allez voir pushforpizza.com pour en savoir plus. Quand même cool. Ouais, vraiment bien. Ensuite, c'est une table tournante si on veut pour enfants. Tu sais, des fois on dit aux enfants de pas jouer avec leur repas. Oui! Ouais, ben c'est un peu le contraire ici. C'est le Dinner DJ Dining Set à 28$. C'est un design de Ignacio Pilotto. C'est disponible chez Fred & Friends. Donc, c'est une table tournante qui va sur la table avec l'assiette qui va pouvoir tourner. À place d'avoir un bras pour la table tournante, c'est une fourchette. Ah. T'as différents boutons dessus et donc tu peux faire des effets là-dessus. Donc, on voit les photos sur assemblagerequis.com. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres choses que juste l'apparence. C'est un service de table, donc c'est écrit sur la boîte, service de table. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de son qui sort de ça. OK, ouais, non, je pense pas. Pas mal juste pour s'amuser. Mais la fourchette peut servir quand même de fourchette. Oui, de fourchette et de genre d'aiguille. Est-ce que tu penses que si tu tournes tes pépites de poulet à l'envers, ça appelle Satan? Oh boy! Oh! Oh! Ensuite, c'est des dinosaures de chocolat qui sortent d'un œuf pour un café coréen. Ooh. C'est le café Dallas 100% Chocolate à Busan, en Corée du Sud, qui amène l'art culinaire à un autre niveau avec un dessert qui vient dans un œuf et qui est composé d'un genre de dinosaure à l'intérieur. Oh. Donc, c'est un œuf en chocolat qui est positionné sur un nid de crème glacée au chocolat, des genres de copeaux, ouais, de chocolat. Et ça a donc un œuf de dinosaure sur la crème glacée, et à l'intérieur, il y a un dinosaure. Et pour aller à l'intérieur de l'œuf, il y a deux façons. Il faut que tu verses du sirop de chocolat chaud sur l'œuf pour que l'œuf fonde, et là, ça fait sortir le dinosaure. Oui. Ou encore, tu craques l'œuf, et là, le dinosaure peut sortir aussi. Oui, ils te fournissent comme un petit marteau, en plus. Oh, j'avais pas vu le petit marteau. Ah, pour vrai, le petit marteau. Moi, je pense que j'irais de façon petit marteau, parce que sinon, ça devient vraiment trop chocolat. Oui, ben c'est ça. Et puis, en plus, ça fait comme des petites croustilles, oui, de chocolat quand tu prends avec le petit marteau. On dirait des nachos de chocolat. C'est merde, vrai. Ensuite, tiens, 40 pizzas différentes à essayer avant sa mort. C'est une infographie sur assemblagerequis.com. Donc, c'est par Food Republic qui a compilé 40 sortes de pizzas qui vont être comme une genre de bucket list que tu peux cocher ou peu importe, mettre une étampe dessus quand tu les essaies. C'est une façon d'expérimenter de nouvelles saveurs. Donc, selon Food Republic, qui existe depuis 2010, on devrait essayer la pizza au pain français. Donc, c'est un pain français coupé sur le long avec de la sauce tomate, fromage et pepperoni. Ça ressemble un petit peu au repas, ouais, que tu sers à la cafétéria ici, le sous-marin, oui, pizza. T'as la baked ziti. Donc, qui est ziti, j'ai aucune idée ce que c'est, mais il y a de la sauce tomate, du ricotta et du mozzarella dans la pizza. Je crois que ziti, c'est des pâtes. Oui, ça a vraiment l'air de des penne. Ouais, genre. Ensuite, t'as la pointe grand-mère, qui est une pointe carrée avec sauce tomate et qui la sauce tomate est par-dessus le fromage, donc le fromage est en dessous. T'as la tranche, évidemment, la pointe new-yorkaise. Ben oui. Ça, pas le choix. Croûte mince, sauce tomate, fromage, oregano, c'est de quoi? C'est de l'origan. C'est de l'origan. De l'origan. Et des flocons de chili. T'as la pizza deep dish style Chicago. Hein? Okay. Donc, une croûte épaisse, fromage et sauce tomate fraîche. C'est très épais, ça. Très épais, mais ça, je pense, c'est une des meilleures sortes de pizza que je connaisse, là, même ah si ouais? c'était seulement des imitations que j'ai goûtées, mais c'est pas mal bon, la grosse deep dish pizza. Ah. T'as la Pox Smoked Salmon Pizza, donc une pizza au saumon fumé, avec crème fraîche, saumon fumé, du caviar noir, de l'oignon rouge et de l'aneth. Mm. T'as la White, la pizza blanche, qui est de l'ail, ricotta et mozzarella. la pizza au fromage. Ouais. C'est sûr, t'embrasses pas personne après ça. Là? Oui, ben non. Ensuite, t'as la pizza à la salade avec de la romaine, du concombre, tomate, feta, olive et une vinaigrette grecque. Ça doit être très bon, ça. Délicieux. T'as la pizza bagel avec de la sauce tomate, du fromage et du pepperoni sur une moitié de bagel. C'est pas mal comme la première, ça. C'est pas mal. Un sous-marin pizza. T'as la croûte au chou-fleur. Donc, du chou-fleur cuit mélangé avec des œufs et du fromage pour faire la... pas pour faire la croûte, je pense que c'est vraiment sur la pizza. C'est passé au four et ensuite on garnit et on remet au four après. Ah! Oh. Donc peut-être que c'est pour la croûte. Oui, c'est pour la croûte, pour c'est la croûte. Vraiment, ouais, c'est la croûte. Ouais, on passe deux fois au four. T'as la pizza au kebab de Suède. Donc sauce tomate, fromage, de la viande de kebab en tranches, de la sauce au yogourt et du pepperoncini. Pepperoncini, c'est des petits piments. OK. Ça a l'air super bon. La napolitaine, qui est de la sauce tomate San Marzano, du mozzarella buffalo et du basilic frais dans un four, au bois. OK. Là, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Oui, il y en a vraiment, il y en a comme 40. Là. On va arrêter là, mais on pourrait continuer très très longtemps. Il y en a qui ont l'air excellentes. Il y en a d'ailleurs, il y a la pizza cone, celle qui vient dans un cornet, qui a l'air vraiment cool. T'as les calzones à essayer aussi. C'est comme un genre de pizza pochette, mais en plus gros. Qu'est-ce qui marque dans le reste? La pizza déjeuner. La pizza au macaroni au fromage. Carbonara. Carbonara, wow! Aux fruits de mer. Et t'as la pizza la plus chère du monde avec de la crème fraîche, du saumon, du caviar, du homard, des truffes et de l'or mangeable. Ah! C'est, y en a 40 en tout. 40. C'est fou. Ensuite, on a parlé, dans ça existe tantôt, de maquillage arc-en-ciel, licorne un peu, parce que c'est bien à la mode l'arc-en-ciel. Maintenant, t'as des grilled cheese en arc-en-ciel. Ah! Ouais, donc si vous voulez faire ça vous-même, il y a un article sur l'assemblage requis qui vous en parle. C'est à Hong Kong, au Kala Toast. Un sandwich absolument fantastiquement beau et qui a l'air évidemment délicieux. C'est un grilled cheese avec à l'intérieur du fromage qui est en plusieurs couleurs. C'est leur spécialité chez Kala Toast. Des blogueurs culinaires alimentaires de Hong Kong sont allés sur Instagram pour mettre évidemment des photos de ce merveilleux sandwich, clarifiant qu'il y a plusieurs types de fromage dans le mélange pour chaque couleur. Vous pouvez aller voir les détails sur assemblagerequis.com, mais c'est pas seulement du colorant, c'est chaque fromage a été coloré, mais c'est chaque fromage a sa couleur, dans ce que je comprends. C'est pas un mélange de fromage, ce que j'en comprends. Donc allez voir ça. Ça dit que les fromages de couleur sont à la lavande, fromage à la lavande qui est le bleu, au basilic, ça c'est vert, tomate qui est rouge et le jaune est une combinaison de quatre types de fromages qui est mozzarella, cheddar, emmental et gruyère selon HK Foodie Explorer. Ah oui, du gruyère, c'est un petit peu plus jaune, je pense. Ça se peut. Donc les sandwichs se vendent pour 5,42$ américains environ, donc quand même pas trop cher et ça se sépare bien et ça fait une belle, un bel arc-en-ciel quand tu sépares le tout. Voilà. Ensuite, tiens justement, on reste dans le même domaine des arc-en-ciel avec la Rainbow Pizza. Oui. Mais ça, sérieusement, ça a plus l'air d'un gâchis de peinture à doigts d'un enfant de 3 ans. Exactement. C'est, j'aurais pas pu mieux dire. Donc, c'est un didacticiel, donc une façon de le faire vous-même. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter, contrairement à l'autre. Vous allez pouvoir vous-même le faire sur le site obiteit.com, donc ohbiteit.com, qui détaille comment faire ça. Donc, dans le fond, on fait une pizza régulière et lorsqu'il vient le moment de sortir ça du four, on va mettre du colorant alimentaire dans le fromage et on va repasser ça au four pour que ça fasse des petites bulles, pour que ça se mélange. Donc, c'est quand même pas quelque chose de super difficile à faire. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. C'est extrêmement laid. On dirait de la gouache. Ou sinon une peinture genre... tu sais les artistes qui faisaient de la peinture un petit peu... comment on appelle ça? Pas concrète. Voyons, c'est quoi l'autre mot? Le contrat de concret. Abstrait. De l'abstrait. Abstrait. Oh boy, c'était long. Ensuite, on va chez Subway. Tu sais, chez Subway, ici au Canada, on a le sous-marin avec le poulet au beurre. Oui. Qui apparemment est très bon, j'ai vu des critiques, ça avait l'air bon. Mais aux États-Unis, eux, ils essaient quelque chose d'un petit peu plus fancy, c'est de la dinde tranchée épaisse et bacon. Pas vrai? Oui, donc oven roasted, take-out carved turkey. Donc vraiment, on a pris de la dinde et on l'a défait en tranches très très épaisses. C'est aussi fait de viande blanche seulement, sans aucune saveur artificielle, aucune couleur, aucune saveur, aucun agent de conservation, absolument rien. Donc, c'est dans leur nouveau sous-marin qui s'appelle le Carved Turkey and Bacon Sub avec du bacon Applewood Smoke. Donc, c'est fumé de pommier, je crois, qu'on dit. Pommier. Je pense que oui. En tout cas, du fromage orange, jaune, des légumes frais et un pain italien. Un sous-marin de 6 pouces avec fromage orange, épinard, tomate, mayonnaise et bacon sur pain italien à 550 calories. On dit 5,25$. Et sinon, le 12 pouces est à 8,75$. Mais c'est vraiment de la très, très grosse tranche de dinde. Et il y en a pas mal beaucoup dans la photo, en tout cas. J'espère un jour qu'on va pouvoir avoir ça ici aussi. Ça manque de gravy, par contre. Et d'ataka. Ouais. Et d'ataka. Ben, à l'action de grâce, tu manges. Ah, ok, ouais, je comprends. Des, comment on appelle ça? Des atokas? Des canneberges. Des canneberges, ouais. Ensuite, mais j'ai la difficulté avec comment ils le disent. C'est des atokas ou des atakas? Je crois que c'est atoka. Atoka. Mais je suis pas sûr. J'aime. Ensuite, un petit spotted, tiens. C'est des Skittles America Mix. T'as déjà vu des Skittles, bon, tropical, etc. Là, on a, oui, je sais, le America Mix. Ça pourrait être aussi le mélange, comme dit l'article sur The Impulsive Buy, ça pourrait être le mélange français, le mélange australien. Ben oui, hein. Tous les drapeaux du monde ont du bleu, du rouge, puis du... Il y en a beaucoup. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Ouais. Donc, c'est fraise, framboise, évidemment, hein, bleu, framboise. Mm-hmm. T'as blackberry, ça, c'est lequel? On se demande à chaque fois. Là, ça doit être le blanc? Non, blackberry, c'est la sorte de baie. Ah, c'est des mûres. Quoi? Blackberry, c'est des mûres. Il me semble, hein? Il me semble que c'est mûr. C'est un petit peu. Je suis en train d'aller chercher. Oui, c'est bien mûr. Je me mélange tout avec black currant aussi. À chaque fois, je le dis, mais... donc, t'as baie sauvage et t'as des yumberry. Yumberry, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que t'as déjà entendu parler de yumberry? Non. On va aller voir ce que c'est en français. Yumberry, c'est une fraise de Chine. Ah, très, très américain, c'est une fraise. Ouais, ouais, très. Bref, on verra probablement jamais ça au Canada, mais c'est America Mix Skittles. Ensuite, Baskin-Robbins, c'est une compagnie de crème glacée aux États-Unis qui amène donc un sandwich au beignet et crème glacée. Hein? OK. Le Donut Ice Cream Sandwich. Avec n'importe quelle saveur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre votre choix de crème glacée et on va ajouter du fudge dessus pour faire la garniture, un petit peu comme on mettrait de la mayonnaise dans un hamburger, parce que c'est vraiment l'inspiration et le hamburger classique. Hein. Donc, t'as une moitié de beignet en bas, OK? T'as une mode de crème glacée en forme de boulette, à la saveur que tu veux, ouais. Un coulis de chocolat et le dessus du beignet. Hmm. Hein? Et c'est un petit peu les beignes style pâtissier avec de la farine de pâtissier, tu sais. C'est un peu comme les beignes fourrés aux fraises, mais sauf oui. Qu'à la place d'être fourré aux fraises, c'est fourré de crème glacée et de sirop de chocolat. Ça a l'air délicieux. Donc ça a été testé récemment à Las Vegas, Nevada et dans certaines places au Maryland. Mais pour vrai, essayez-le chez vous, là. Il n'y a rien qui vous empêche de prendre un beignet pâtissier, crème glacée et sirop. Mais c'est pas un petit peu trop difficile à croquer? Tu sais, genre, c'est froid. Ben, c'est tout à fait. Moi, j'ai une sensibilité dentaire. Et j'avoue que ça doit être quelque chose de particulièrement difficile. Oui. Mais ça a l'air aussi très, très sucré et très, très délicieux. Parce que tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux prendre le beignet que tu veux, la crème glacée que tu veux, le sirop. Tu pourrais mettre du sirop de caramel. Tu pourrais mettre du sirop fraise. Ouais. Waouh, ça a l'air bon. C'est vrai. Un autre spotted, tu connais la compagnie qui fabrique Fiber One? Tu sais, les bars tendres, les petits genres de brownies, t'as plein de petites pâtisseries qui sont disponibles en épicerie, en boîte, Fiber One. Maintenant, Fiber One sort une crème glacée Fiber One. Ah, ouais? Oui. Donc, Fiber One Ice Cream avec chocolat et menthe, t'as caramel salé et truffle, t'as café et t'as pâte à beignet, donut dough. Hein? Ah, OK. 5 grammes de fibres par portion et rempli de probiotiques. Donc, ça a l'air une bonne idée pour ceux qui veulent pas manger de la crème glacée trop, trop sucrée. Et rempli de fibres en plus, ça, c'est le fun. J'aime ça. J'espère que ça va venir au Canada. Oui, probablement, j'imagine. À date, tout ce que j'ai vu de Fiber One aux États-Unis était fait par venir au Canada. Donc, ça me surprendrait pas de voir ça bientôt. Ensuite, on va chez Starbucks au Japon qui va avoir un nouveau frappuccino au melon, cantaloupe et crème. Ah, OK. Starbucks Japon, donc Cantaloupe Melon and Cream Frappuccino. C'est supposément très, très à la mode comme saveur. Ça a été présenté à un événement de mode à Tokyo. Donc, le drink est quand même assez saisonnier avec des morceaux de panna cotta. Donc, c'est un dessert à base de crème qui est déjà à saveur pas mal lait. Mais ça dit milk-flavored panna cotta, alors que le panna cotta est déjà fait avec de la crème. Donc, je sais pas trop pourquoi ils prennent le temps de le préciser. T'as du cantaloupe, j'imagine du sirop de cantaloupe au fond du verre qui est ensuite rempli donc de lait, de glace, de morceaux de cantaloupe et de melon, tout ça avec de la crème fouettée sur le dessus. 630 yens, 5,75 américains pour un grand. Tall, je crois que c'est l'avant-dernier, ça. Tall, il me semble que t'as un niveau après ça, mais bon. Ouais. Disponible au Japon jusqu'au 17 mai prochain. Au Japon, ils ont déjà plusieurs saveurs de frappuccino qui viennent tout le temps avec une paille très très large pour pouvoir aspirer les morceaux de fruits et de panna cotta. Donc, une grosse paille, un peu comme une slush. Une grosse paille. Ensuite, on a déjà parlé chez McDonald's qu'on avait le menu qu'on pouvait créer soi-même. T'as même dit qu'il y avait ça à Montréal, qu'on pouvait créer son burger ou sa commande sur un genre de gros écran tactile. Bon, donc, McDonald's a la plateforme Create Your Taste pour les hamburgers qui déjà existe ici. Maintenant, la chaîne espère aller à un autre niveau avec des desserts personnalisables. Oh. Ils vont faire ça bientôt dans un endroit qui va ouvrir bientôt. Donc, c'est à Saint-Joseph dans le Missouri au mois de juillet. Il va y avoir des kiosques de commande Create Your Taste pour les desserts avec plusieurs ingrédients. On ne sait pas encore quels ingrédients vont être disponibles, mais selon la presse qui couvre l'ouverture du restaurant, en plus des... Bon, ça, vous avez déjà vu l'article sur les frites à volonté, là. Mm-hmm. Même TVA Nouvelle a sorti cette nouvelle-là comme de quoi que ça s'en venait, alors que c'est dans un seul restaurant dans, aux États-Unis, c'est un franchisé qui a décidé de faire ça tout seul, c'est même pas genre McDonald's qui fait ça, c'est juste le franchisé. Uh-huh. Bref, ça a passé sur vos nouvelles Facebook. Mais ici, on dit qu'on va pouvoir faire dans ce restaurant du Missouri votre propre dessert. J'imagine choisir une saveur de crème glacée, savoir choisir des fruits, des sirops de chocolat, des noix, pas de noix, etc., etc., pour faire votre propre sundae. Voilà. Mm. Pas grand détail pour l'instant, mais on va suivre le dossier comme toujours. On va aux États-Unis chez Carl's Jr. qui teste un hamburger avec des boules de viande, du macaroni au fromage et d'autres choses comme ça pour faire original, bien sûr, être à la mode parce que tu sais que tous les restaurants ont un macaroni au fromage quelque part. Ben oui. Donc, c'est le Meatball Thick Burger pour commencer. Donc, c'est chez Carl's Jr. et leur équivalent dans l'autre côte américaine. Il y a les deux noms, le Carl's Jr. et Hardee's, c'est la même chaîne mais séparée par une rivière dans le milieu des États-Unis en tout cas. Donc, c'est des boules de viande, mozzarella, sauce marinara entre deux tranches de burger, évidemment. Deux pie burger. Pas deux pie burger, le haut pis le bas. Ouais. T'as le pizza thick burger, qui est un peu la même chose, mais avec des tranches de pepperoni à la place des boules de viande. Pourquoi pas. Ensuite, t'as le burgerito, qui est un hybride entre un burrito et un burger. Très à la mode, la cuisine fusion. Hein. Donc, du bœuf haché, assaisonné, des chips de tortilla sur une boulette de bœuf avec du fromage pepper jack, ketchup, lait dessus. Et ce qui a l'air d'être une sauce Santa Fe, un petit peu plus taco que burrito, mais bon, on appelle ça quand même un burrito burger. Ouais. Et t'as le bacon mac and cheese thick burger, qui est exactement ce qu'on pense. C'est du bacon, macaroni, sauce au fromage, boulette de bœuf, deux tranches de fromage orange, comme si c'était pas assez fromagé comme ça. On a aussi vu le bisnut, qui est en test depuis 2014. T'as des pizza fries et des birthday shakes qui sont disponibles chez Carl's Jr. et Hardee's. Voilà. Tout pour augmenter le cholestérol. Absolument. Je les essaierai tous, je pense. Ouais. Je pense que oui. je viens de voir, je suis allé chez McDonald's hier matin après le dentiste. C'est une très bonne idée, ça, merci Mathieu. Merci beaucoup. J'étais content que ça m'ait rien coûté chez le dentiste. Ouais, je me suis dit, bon, tu peux m'acheter un petit déjeuner. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux wraps matin, les wraps quelque chose là, avec une patate à déjeuner puis des saucisses. Oui. Mais savais-tu qu'aux États-Unis, on a enlevé les wraps? Ah, pas vrai? Oui, les McWraps ne sont plus sur le menu aux États-Unis. Comment ça? On les a retirés depuis le mois de septembre. Ceux qui aimaient cette option santé-là peuvent se demander pourquoi. Tu viens de me le demander ben toi-même. Oui. donc, autre le fait que ça se vendait pas si bien que ça aux États-Unis, apparemment. Mais il y a aussi, ça se vendait pas assez dans leur public cible. Ils voulaient en vendre aux jeunes, aux millennials. Ouais. Okay? Les milléniaux, qu'on appelle des fois en français. Donc, deux raisons pour lesquelles les McWraps n'existent plus aux États-Unis. Le lancement des déjeuners à journée longue, qui demande beaucoup de temps et de place dans la cuisine. Ouais. Et le long temps de préparation pour ces 10 wraps. Donc, simplement dit, les déjeuners pour la journée au complet sont plus populaires qu'on pensait, encore plus. Ça a vraiment bien été jusqu'à maintenant. Donc, ça a été plus populaire aussi que les McWraps. Et ça prenait du temps dans la cuisine, comme on avait dit. Juste réchauffer le tortilla pour les wraps, ça prenait 20 secondes, ce qui est 20 secondes de temps perdu. Et les ingrédients devaient être tranchés, roulés et mis dans un emballage de carton. Donc, tout ça... C'était un petit peu trop compliqué pour eux. Ils ont voulu simplifier la tâche dans la cuisine. Donc, ils se sont débarrassés de plusieurs articles du menu. Et c'est pour ça donc, qu'on a enlevé les McWraps. On peut encore trouver les McWraps dans certains marchés aux États-Unis, dont Los Angeles, mais seulement la version ranch. OK. Et leurs petits accompagnateurs, les snack wraps, les wrap collations, je pense qu'on appelle. Oui, c'est petit. Ont aussi été éliminés, mais plus tranquillement. On peut en trouver encore quelques-uns à certains endroits. Donc, j'imagine qu'au Canada, on va aussi se débarrasser des wraps éventuellement, parce que tu sais comment on suit les États-Unis sur à peu près tout. C'est triste. Ensuite, oh, ça j'aime ça, c'est chez Checkers et Rally's encore. Des fois, il y a des franchises aux États-Unis qui ont deux noms parce que ça a été racheté, puis on veut garder le nom qui est historiquement connu dans la côte ouest ou sur la côte est. Donc, on garde le Checkers et on garde le Rally's. Donc, on offre maintenant un nouveau dessert. C'est des smoothies au bar Twix. Au bar Twix. T'as aussi le Caramel Cheesecake Crunch. Excuse-moi. Donc, ça s'appelle le Caramel Cheesecake Crunch with Twix Loaded Milkshake. Avec caramel, gâteau au fromage, morceau de Twix mélangé dans un shake à la vanille et accompagné de crème fouettée sur le dessus et une cerise. T'as aussi le Caramel Cheesecake Crunch with Twix Sunday Slacker, qui lui a des couches de caramel, gâteau au fromage, morceau de Twix et de la crème glacée à la vanille. Les deux smoothies sont fabriqués avec un mélange de smoothies au Minute Maid et ça vient en trois saveurs, fraise, mangue et crème à l'orange. Iiii. Ça a l'air délicieux. On va à Hong Kong maintenant avec un burger au poulet effiloché tandoori chez McDonald's. Imagine, ah ouais. McDonald's est pas mal plus fancy à Hong Kong. Vraiment. Hein? Donc, oui, c'est McDonald's avec leur nouveau pulled chicken burger qui a été créé en collaboration avec un chef local, une vedette locale qui s'appelle Gabriel Choi. Donc, en plus d'un poulet effiloché au tandoori, le burger contient du fromage, de la salade de choux. Une seule grosse rondelle d'oignon, ce qu'on voit sur le dessus de la photo, là, c'est une grosse, gigantesque rondelle d'oignon de la grosseur du burger. De la mayonnaise sur un pain style pâtisserie. La sauce tandoori et le poulet effiloché ont l'air assez intrigants, l'outil brandeating.com. Il y a beaucoup de sauce dans le sandwich, en plus de la salade de choux qui contient déjà sa sauce, vrai? Plus la mayonnaise et la sauce tandoori. Ça fait beaucoup de choses à l'intérieur. C'est dans un menu limité qui va avoir avec aussi, pour accompagner, un sundae à la mangue, un thé glacé aux pommes vertes pétillant dans un pot maçon. Crème chez McDonald's dans un pot maçon. T'as des McAiles de poulet barbecue, t'as une tarte taro pie à la mode et t'as des frites coupées épaisses, tranchées épaisses. Tout ça chez McDonald's, imaginez, c'est fancy pour du McDonald's. Vraiment? Des frites tranchées épaisses, j'adore ça. Chez Cold Stone aux États-Unis maintenant, il y a un nouveau shake au bleuet qui vient avec un bang comme à la place d'avoir, c'est mettons un drink, t'as une tranche de citron, une poignée de citron. Eux, c'est un demi-bang qui vient accrocher sur le bord de ton verre sur leur nouveau shake. Ça s'appelle le Blueberry Donut Shake. Il y a plusieurs autres articles de dessert qui s'en viennent dans ce restaurant-là. Évidemment, quand je vous en parle et que c'est pas disponible ici, vous pouvez très bien les faire à la maison. Il n'y a aucun problème. Donc, on prend de la crème glacée sucrée mélangée avec du lait, des bleuets frais et des morceaux de beignes au bleuet. Donc, les morceaux de beignes sont aussi broyés dans le mélange à shake. Et pour ajouter à tout ça, faire la petite décoration, on rajoute le beignes accroché sur le bord du verre. T'en as un à la vanille et un au baie. Donc, triple berry, yogourt triple baie mélangé avec des bleuets, un beigne au bleuet et une galissure dessus. Et t'as le Not So Vanilla Creation qui est du de la crème glacée à la vanille et au sel de mer mélangé avec des morceaux de barre de chocolat Take 5 dont on a parlé il y a quelques semaines. Oui, ben oui. Avec des bretzels dedans et un petit coulis de caramel et de fudge. T'as aussi le Berry Paradise Crunch Creation à l'hibiscus avec des portions de granola et de framboises fraîches à l'intérieur. Tout ça jusqu'au 21 juin de cette année. Maintenant, un Spotted. Tu connais Krispy Kreme pour les beignes? Mm-hmm. Maintenant, ils offrent des bâtons. Pas des bâtons, des genres de morceaux de chocolat qui se trempent dans le café. Ça s'appelle les Krispy Kreme Coffee Thins, à savoir le cappuccino original glacé et caramel macchiato. C'est ça, c'est des morceaux de chocolat qu'on trempe dans son café. Des morceaux c'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est pas mal ça. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus que ça. Ben non, hein, ça fait comme un mocha. Pas mal ça. Chez Wendy's au Japon, leur plus récent burger a des bébés blé d'Inde, bébé maïs et du fromage à la crème. Oui, chez Wendy's, donc baby corn and cream cheese. Il y a aussi leur buffalo wing sauce and cubes of avocado, donc de la sauce à aile buffalo et des cubes d'avocat. Le pretzel corn cream cheese burger commence avec un burger traditionnel, du ketchup mayonnaise, une galette de bœuf, de la laitue, des tomates et des oignons, mais rajoute deux petits bébés maïs hein, et un mélange de crème. De fromage à la crème, oui, et de maïs en crème. Waouh, du maïs en crème. Ah. J'avoue. Non, mais pour vrai, du maïs en crème, c'est super bon. Ben oui. Sur un pain bretzel, et t'as aussi le pretzel spicy avocado burger avec la même base, mais une tranche de fromage à la place du maïs et, et du fromage à la crème. Il y a de gros cubes d'avocat, de la sauce buffalo et des jalapenos. Tout ça pour environ 6$, 5,87$ américains pour le premier et le deuxième à 7$ presque. Très cher comme burger, mais on dit que ça a l'air bon. On revient chez McDonald's. Non seulement les frites à volonté dans un seul McDonald's aux États-Unis, là, pour vous rappeler, ceux qui ont juste lu le grand titre sur Facebook, qui pensaient qu'ils allaient pouvoir demander un refill de frites demain chez McDo. Ben oui. C'est pas de même ça marche, les amis? Eh bien non, absolument détrompez-vous. Pas. Les gens sont tellement facilement... ils lisent jamais les articles. C'est vrai. Surtout ceux de TVA, t'sais. Donc, McDonald's teste des plus gros et des plus petits Big Mac, Tania. Ah, OK. Oui, donc une version plus grosse, une version plus petite de leur Big Mac en les appelant le Grand Mac pour le plus gros. Et le Mac Junior pour le plus petit. Hein? Ah. Donc, les burgers ont été vus dans le centre de l'Ohio et dans Dallas-Fort Worth, au Texas. Les burgers contiennent les mêmes ingrédients que le Big Mac, mais avec différentes quantités. Le Grand Mac a 60% plus de bœuf qu'un Big Mac traditionnel. Donc, ça fait un tiers de livre versus un cinquième de livre pour l'original, selon le Columbus Business First. Et ça vient sur un pain plus large et une tranche de fromage de plus. Donc, bon, c'est un méchant gros burger. Déjà qu'un Big Mac, c'est pas mal gros. Ensuite, le Mac Junior, lui... enlève le pain du milieu, tu sais que dans un Big Mac, il y a un pain au milieu, qui sert jamais à rien, on se demande tout à quoi qu'il est là. Donc, ils l'ont enlevé, et ils mettent seulement une boulette de hamburger au lieu de 2. Ah, c'est bon, ça. Selon GrabGrade, le prix pour le Grand Mac est de 4,89$ américains, alors que le Mac Junior est à 2,39$. Le test devrait commencer, devrait se rendre jusqu'au 6 juin. C'est un nouveau concept aux États-Unis, donc le plus gros et le plus petit Big Mac, mais ça a été déjà essayé dans plusieurs pays autour du monde, récemment au Japon, avec ce qu'on avait mentionné dans la chronique comme étant le plus gros Big Mac jusqu'à maintenant. Donc c'est ça, c'est pas nouveau, mais c'est nouveau aux États-Unis, et probablement, si ça fonctionne bien, ici même. Ici au Canada. Voilà. Ensuite, on va, je crois que c'est aux États-Unis, celui-là, c'est Tostitos qui ajoute de nouvelles chips plus épicées, ainsi que de nouvelles sortes de salsa. Ah, OK. Donc, Frito-Lay essaie de rendre les choses encore plus piquantes avec trois nouveaux produits Tostitos. T'as les Tostinos Cantina Chipotle Thins. Donc, Cantina, c'est les chips très, très, très, très minces qui se trempent. Tu peux tremper, mais tu peux pas scooper, là, tu sais. Tu peux juste tremper, sinon ça va casser si tu scoopes. T'as aussi les Tostitos Dipetizers Spicy Queso et les Tostitos Habanero Salsa. Donc, ça, c'est une sorte de salsa. Les Tostitos Cantina Chipotle Thins, c'est des chips de maïs très minces, avec un petit peu de saveur inspiré par les cantinas mexicaines. Je crois que c'est mexicain, les cantinas. Des assaisonnements, donc un petit peu... c'est doux, fumé et authentiquement chipotle, disent-ils. Les Tostitos Dipetizers Spicy Queso, c'est des... c'est du fromage, dans le fond, qu'on passe au micro-ondes, comme la salsa con queso, fait avec des poivrons rouges et du poivre rouge, du cracked pepper, du poivre concassé, voilà. Et finalement, la salsa Tostitos Habanero Salsa avec des tomates, des oignons, des jalapenos et des habaneros, donc des piments habaneros. Super, super piquant. Tout ça est maintenant disponible en magasin aux États-Unis en ce moment même, pour différents prix. C'est sûr que ça s'en revient au Canada aussi parce que Tostitos, c'est pas mal international. Ouais, c'est clair. Hein? D'après moi, ouais. De leur produit. Oui. Ensuite, Spotted, pourquoi est-ce que j'avais pris ça? Oui, tiens, c'était pour les sauces Red Hot. Souvent dans les Spotted sur The Impulsive Buy, il y a plusieurs produits, mais des fois j'en prends qui m'intéressent plus que d'autres. Mm-hmm. Frank's Red Hot, ils ont déjà plusieurs bouteilles de différentes sauces piquantes. Ouais. T'as Bollywood, t'as sauce pour aile de poulet, mm-hmm. t'as sauce indienne un petit peu. Mm-hmm. Ça, c'était Bollywood. C'est quoi l'autre? En tout cas, je pense que c'est pour les côtes levées. Oui. T'as aigre douce aussi, il y a plein de sortes. Mais là, Frank's Red Hot aux États-Unis vient de sortir Spicy Sweet and Sour, donc une sauce aigre douce piquante. T'as aussi Sweet Ginger Rahini, qui est une autre sorte de sauce indienne au gingembre sucré. T'as Stingin' Honey Garlic, qui elle est déjà disponible au Canada depuis un bout de temps. C'est miel et ail piquant, c'est vraiment très très ouais, bon. Ouais, ça doit être bon. Et t'as toujours leur Slammin' Sriracha aussi, Sriracha. Et maintenant, Red Hot, Frank's Red Hot, a sorti des bouteilles qui ne sont plus en vitre, mais des bouteilles squeezables. Hey, c'est correct. Pour vrai, moi j'en ai besoin, je suis tout le temps en train de trop en mettre quand je fais aller ma bouteille. Donc j'adore l'idée d'une bouteille squeezable de Frank's. Et pour terminer, Dairy Queen lance ses nouveaux en fait Royal Blizzard. Tu sais, les blizzards, tu connais, c'est ce qu'on sert à l'envers avec la oui, puis ça me fait tout le temps peur quand ils font. Mais parce que tu sais, c'est non, il y a aucun stress parce que s'ils renversent, t'en donnes un autre. C'est ça. Parce que c'est la garantie de Dairy Queen. Oui. Mais quand même, quand le gars là, il arrive devant toi puis il vire, j'ai tout le temps peur, ça tombe. Savais-tu qu'il y avait une condition à cette politique-là? Ah ouais? Je crois que si tu commandes plus que, je crois que c'est deux Blizzard, ils t'en servent juste un à l'envers, les autres t'es servent à l'endroit. Oh. C'est marqué sur leur site web, je suis allé là-dessus l'autre fois, puis je trouvais ça bien intéressant, mais tu vois que j'ai pas tout retenu. Bref, ils ont un nouveau Blizzard Royal chez Dairy Queen aux États-Unis. Donc, c'est une imitation de ce que faisait déjà Ben & Jerry's, mais c'est qu'ils vont remplir l'intérieur du Blizzard d'un gros coulis de quelque chose. OK. Donc, ça ressemble vraiment au Core chez Ben & Jerry's. Il y a des pots de crème glacée Ben & Jerry's qui sont marqués Core, avec à l'intérieur, il y a tout le temps un filet de caramel ou de chocolat. Donc, c'est la même chose. C'est une sauce qu'ils mettent dedans. Trois nouvelles saveurs. Donc, Royal New York Cheesecake, donc un gâteau fromage new-yorkais. T'as Rocky Road Brownie, donc Brownie Guimauve, je crois, Rocky Road, et Royal Oreo. En fait, quand je dis « je crois », je pourrais aussi juste lire les descriptions. New York Cheesecake, c'est des morceaux de gâteau fromage avec des craquelins Graham mélangés avec de la crème glacée à la vanille et un centre aux fraises. Rocky Road Brownie, c'est Brownie Arachide Fudge mélangé avec de la vanille et un centre de guimauve. Eh mon Dieu, ça doit être sucré. Wow. Et le Royal Oreo, c'est un centre de fudge entouré de mélange de biscuits Oreo et de crème glacée à la vanille. Voilà. Dairy Queen, pour faire de la promotion pour ce nouveau produit, Dairy Queen a donc offert d'en livrer un à la reine Elizabeth II avec une cuillère dorée pour le lancement en commémoration de son 90e anniversaire. Est-ce qu'elle a dit oui? C'est pas encore dit, donc j'imagine que ça n'a pas répondu bien. Dommage, mais quand même, j'essaierai ça n'importe quoi. Est-ce qu'ils ont ça... La reine, là, en... Si on sait la reine, c'est la non, même reine pour tout le monde. Non, mais est-ce qu'en Angleterre, ils ont des Dairy Queen? J'imagine. Parce que c'est Dairy Queen. Ben, c'est ça, la reine des produits laitiers, j'ose espérer. Peut-être. Faudrait s'informer. C'est ça. Voilà, c'est tout pour une grosse petite adresse. On fera d'autres choses comme ça la semaine prochaine. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Nous, pour l'instant, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui, Tania. Ben oui. Hein? Est-ce que tu veux qu'on se quitte en musique? On peut bien se quitter en musique. Tu peux me fournir quelque chose pendant qu'on s'en parle. Hein? Donc, voilà. Oui, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que c'était la fin de l'émission d'aujourd'hui. C'est pas mal ouais, ce que je disais. Ouais, c'est ça que tu disais. Donc, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis, entre 15h et 18h. Après nous, à 19h, ce sera Réanimation, l'émission de métal et d'horreur. Ça, c'est dans une heure environ. On repasse les vendredis à 17h. Après nous, à 20h, ce sera Skypunk, l'émission de punk rock. Et pour terminer, le dimanche, entre midi et 15h, après nous, c'est Palmarès du Monde avec David Ferron. On va changer d'horreur dans les prochaines semaines, fort certainement, parce que l'été commence. On était en saison printanière, stand-by entre deux saisons depuis le mois de... Depuis quelques temps. Depuis le 28 mars, je crois que c'était la date. Donc c'est ça, on va vous en faire part sur la page Facebook. Sinon, ben, quand on écoutait dans nos cases horaires, à un moment donné, moi je pense que le mardi, il va y avoir quelque chose dans notre case horaire. On va pas s'en aller comme d'après ça. D'après moi, oui. D'après moi, oui. Sinon, qu'est-ce que je disais? On se quitte avec une pièce musicale de notre ami Baja Bulot. Oui, qui est au top anglophone depuis quelques temps. Oui, la pièce fou. Exactement. Mm-hmm. Puis bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bye tout le monde. Bye. Je peux pas dire bon café. Non, c'est vrai. Sif.ca puis assemblagerequis.com. Il nous reste 20 secondes à peu près. Sif.ca, assemblagerequis.com. Tania, pour l'instant, ton émission de char, ça revient quand? Je sais pas encore, ça revient quand. J'essaie de voir la plage horaire, à savoir où est-ce que ça pourrait concorder le mieux avec les demandes. Oh, les demandes du public? Ainsi que l'offre. Bye, Tania. Bye. À bientôt. I'm on. I know the sound very well. I'm still young.